L'enlèvement d'une vierge, une aventure de Marc Jordan par Jules de Gastine. Chapitre 1er. Une pluie torrentielle s'était abattue sur Paris, accompagnée de coups de tonnerre et d'éclairs. Les rues étaient changées en ruisseaux et les passants, n'osant se mettre en route, même avec des parapluies, tant l'averse était violente, restaient abrités sous les portes cochères ou sous les tentes-abris des magasins où tombaient de véritables cataractes. Au coin de la rue Montmartre et de la rue du Mail, une bouche d'égout, d'où les ouvriers étaient remontés précipitamment, était demeurée ouverte, et les deux hommes, avec leurs grandes bottes, leurs lanternes et leurs instruments de travail, étaient allés se réfugier chez un marchand de vin voisin en attendant que l'averse fût calmée. Comme les autres, ils regardaient la pluie tomber, quand tout à coup un bruit de pas précipité venant du côté de la place des Victoires attira leur attention, et ils virent dans la rue du Mail, que le mauvais temps rendait déserte, un homme nu-tête, en proie à un affolement indescriptible et qui semblait, de ses yeux hagards, chercher à se réfugier n'importe où. Grand, bien mis, élégant même, il semblait complètement éperdu. Tout à coup, il vit la bouche d'égout béante et avant qu'on eût pu prévoir ce qu'il voulait faire, il renversa la barrière qui l'entourait et avec une précipitation folle, il s'engagea dans l'ouverture, saisit les barreaux de l'escalier de fer servant aux égoutiers et disparut avant que ceux-ci fussent revenus de leur stupeur. Ils s'étaient levés brusquement, ainsi que d'autres clients attablés auprès d'eux, et que ce singulier incident avait surpris, et ils allaient se mettre sans doute à la poursuite du singulier personnage, quand un autre homme, qui semblait faire la chasse au premier, arriva sur eux avec la brutalité d'une avalanche, les jeta brusquement de côté et s'engouffra à son tour dans l'égout, les laissant tout béants de stupeur et tout hébétés. À ce moment, un des curieux qui avait assisté à cette scène étrange et rapide s'écria « C'est Marc Jordan !» « Qui ça, Marc Jordan ?»« C'est Marc Jordan, le policier, qui poursuit quelques malfaiteurs !» On comprenait maintenant, et celui qui avait parlé commençait à donner des détails sur ce Marc Jordan, dont le nom était fameux à cette époque, quand tout à coup parvint aux oreilles de ceux qui étaient là le bruit de plusieurs détonations. Tout le monde se regarda et eut un moment de silence et d'émoi. « Il se canarde là-dedans, » dit un des égoutiers, « si nous allions voir. »« Recevoir quelques balles perdues, » dit l'autre, « merci. »« Ce doit être une belle bataille, » dit celui qui avait appris au curieux le nom de Marc Jordan, « car je connais mon homme et j'ai vu passer celui qu'il poursuit, et il n'a pas l'air manchot non plus. »« C'est un agent de la sûreté, ce Marc Jordan ?»« Non, un gentleman, qui est fait de la police pour son plaisir. »« Mais c'est un rude homme, je vous en réponds, car je l'ai vu à l'œuvre. » Et souvent le chef de la sûreté, bien qu'il s'en défende, a fait appel à ses lumières pour des cas difficiles ou des prises dangereuses. Des curieux s'étaient penchés sur la bouche d'égout pour tâcher d'apercevoir quelque chose, et l'un d'eux dit « Je n'entends plus rien. » « Ils sont peut-être morts tous les deux. » « Il fallait voir ça, » dit un des ouvriers, et il se décida à descendre dans l'égout suivi de son compagnon. La pluie avait cessé brusquement. Et une foule de badauds sortant de dessous les portes où ils s'étaient réfugiés pendant l'averse ou des boutiques de marchands de vin environnants s'étaient amassés autour de la bouche d'égout demandant ce qui se passait. Comme personne ne savait rien au juste, les bruits les plus étranges circulaient. À chaque minute, le nombre des curieux augmentait et l'agitation devenait plus vive. Cependant, les ouvriers ne remontaient plus et on n'entendait plus d'autres bruits venant de l'ouverture souterraine qu'un bruit de cascade. C'était l'eau tombant des ruisseaux des rues et roulant tumultueusement au fond des égouts. Une inquiétude commençait à s'emparer de la foule au sujet des ouvriers, quand on vit enfin une lueur vaciller au fond de l'ombre et un des égoutiers se montrer tenant sa lanterne à la main. « Eh bien, nous n'avons rien vu. Ils ne sont pas morts. Nous ne savons rien. Mais il ne fait pas bon là-dedans en ce moment. L'eau arrive de partout, et avant une demi-heure d'ici, il sera impossible de circuler dans les égouts. Nous avons dû rebrousser chemin. » Et nous n'avons pas pu savoir où les deux hommes ont pu passer. L'un d'eux a été blessé ou tué, car nous avons vu sur un mur une flaque de sang. Peut-être sont-ils morts tous les deux. » Et l'homme remonta, suivi de son compagnon. La nuit venait, et elle vient d'assez bonne heure vers la fin de septembre. Il n'y avait plus rien à voir. Les ouvriers s'apprêtèrent à fermer la bouche d'égout. « Vous allez les enfermer ?» demanda quelqu'un. « S'ils sortent quelque part, ce ne sera pas par ici maintenant. Ils doivent être loin. » S'ils ne sont pas morts. Il y a encore ceci. Nous allons faire notre rapport au commissaire. Il lui prendra les mesures nécessaires. Nous avons fait, nous, tout ce que nous pouvions faire. Tout en parlant, les ouvriers avaient rassemblé leurs outils, enlevé la grille de fer, protégeant la bouche d'égout et fermé l'égout. Les curieux commençaient à se disperser. Ils ne seraient pas partis si vite s'ils avaient pu savoir ce qui s'était passé au-dessous d'eux, presque sous leurs pieds, s'ils avaient pu être témoins de la scène terrible qui avait eu pour théâtre les profondeurs obscures et grondantes de l'égout. Quand Marc Jordan fut descendu sur l'étroite chaussée qui borde le large ruisseau réservé à l'écoulement des eaux et qui déjà débordait presque, roulant un grand bruit d'eau fongeuse et tumultueuse, il n'avait pas tardé à apercevoir, tapi dans un angle obscur, l'homme qu'il poursuivait et qui s'était arrêté pour souffler sans doute ou parce qu'il n'avait pas pu aller plus loin ou se croyait peut-être à l'abri. En voyant le policier sur ses traces, l'homme fit un mouvement brusque pour s'élancer, puis, changeant tout de suite d'idée, il se plaça de façon à faire tête à son adversaire et sortit son revolver. Jordan s'arrêta et s'arma aussi. Un premier coup tiré par le bandit effleura le crâne du policier, mais celui-ci atteignit à l'épaule le gredin qui poussa un hurlement de douleur. D'autres coups furent tirés encore par l'un et par l'autre, mais sans résultat, et c'est alors que la lutte devint véritablement épique. Ayant épuisé leurs cartouches, les deux hommes se jetèrent l'un sur l'autre, essoufflés, haletants, comme des bêtes fauves. Doués tous les deux d'une force colossale, jeunes, agiles, ils s'étaient saisis et luttaient désespérément, cherchant à s'étrangler ou à se précipiter dans le torrent boueux qui rugissait à leurs pieds. Pour le bandit poursuivi, c'était une question de vie ou de mort. Pour le policier aussi, car l'un et l'autre s'étaient jurés une haine mortelle, il fallait qu'à un moment donné, l'un ou l'autre succomba dans la lutte terrible qui s'était engagée entre eux. Si Marc Jordan était en effet un des policiers les plus dangereux qu'il y eut à cette heure, le coquin à qui il donnait la chasse était un des plus audacieux, un des plus terribles malfaiteurs qu'ait jamais roulé dans ses fanges l'écume de Paris. Et les deux combattants faisaient, dans la demi-obscurité de l'égout, au milieu du fracas des eaux, des efforts désespérés pour s'anéantir l'un ou l'autre. Leurs os craquaient. Une écume sanguinolente sortait de leur bouche et de temps en temps, des mugissements rauques, arrachés par les efforts qu'ils faisaient, emplissaient la sonorité lugubre des voûtes souterraines. Bien que le bandit, qui portait le surnom de bras de fer à cause de sa vigueur, eût été blessé par la balle de son adversaire, sa force semblait décuplée par le désir de vaincre et de vivre, et il paraissait avoir oublié qu'il avait été touché. Marc Jordan haletait, et une angoisse emplissait son âme, faisant perler sur son front des gouttes de sueur froide. Allait-il donc succomber? Comme s'il avait senti ce qui se passait en son ennemi, bras de fer redoublait de vigueur et d'énergie. Et à un moment, il serra le cou du policier avec une telle violence que celui-ci crut sa dernière heure venue. Il poussa un cri rauque et une pâleur s'étendit sur sa face. Mais il se raillit dans un suprême élan, parvint à se dégager de la terrible étreinte et porta à son adversaire un tel coup qu'il chancela. Jordan se crut victorieux, respira un instant, mais au même instant, il reçut sur la nuque un tel coup de poing qu'il s'abattit comme une masse et roula dans le torrent vaseux qui coulait au milieu de l'égout et qui montait de minute en minute, ayant déjà atteint jusqu'aux chevilles, sur le trottoir où il se tenait, les deux combattants, qui dans l'ardeur de la lutte ne s'en étaient pas aperçus. En voyant tomber son ennemi, bras de fer poussa un cri de victoire et disparut dans l'obscurité qui tombait des voûtes humides. Tout cela avait duré quelques minutes à peine, et quand les ouvriers étaient descendus au fond de l'égout, il ne restait plus aucune trace du terrible combat qui venait d'avoir lieu et des deux adversaires qui s'y étaient livrés. Chapitre 2e. Vivante ou morte. Quelques jours avant cette scène, un grand seigneur brésilien, le duc de la Riviera, le visage bouleversé par la douleur, était venu raconter au chef de la Sûreté, à Paris, une extravagante et fort mystérieuse histoire. Il possédait une fille, la Carmencita, ayant 16 ans à peine et d'une si foudroyante beauté que personne ne pouvait la voir sans s'éprendre d'elle. Des yeux de velours noir, un teint de grenade mûre, des formes si élégantes et si parfaites qu'elle égalait en perfection les chefs-d'œuvre les plus réputés. Et douce et bonne avec cela. Le caractère le plus charmant. Je l'adorais, dit le pauvre père. Je l'aimais à tel point que j'étais jaloux d'elle. Oui, monsieur, jaloux. J'avais toujours peur qu'on me l'enlevât. Il suffisait que quelqu'un me fît son éloge pour qu'il devînt aussitôt mon ennemi. Elle était tout le portrait de sa mère, que j'avais aimée follement, et qui m'avait été enlevée après 2 ans de mariage en pleine lune de miel. Je voulais bien admettre l'idée qu'elle se marierait un jour, que quelqu'un me l'enlèverait. mais je voulais que le mariage eût lieu le plus tard possible et que d'ici là elle fût à moi seule, tout à moi. Elle m'aimait beaucoup et nous étions heureux. Pour la distraire et empêcher que sa pensée se fixât sur quelqu'un, nous voyagions sans cesse. Je l'avais emmenée successivement dans toutes les capitales de l'Europe et dans toutes les stations élégantes, partout enfin où j'espérais lui procurer des distractions qui l'empêcheraient de penser à ce que je redoutais le plus au monde pour elle, une passion. En dernier lieu, j'étais à Londres avec elle. Elle s'y ennuyait. J'avais fait dans un cercle la connaissance d'un gentilhomme qui se disait mon compatriote, le comte de Cazalès, et que j'eus l'imprudence d'introduire chez moi pour chasser un peu les humeurs noires de ma pauvre enfant. Le comte paraissait distingué, de bonne compagnie, et assez mûr déjà, bien qu'il portât fort bien la cinquantaine qu'il devait avoir, pour que je n'eusse pas à craindre que ma Carmencita s'ait pris de lui. Hélas, c'est le contraire qui arriva. Ma pauvre enfant le trouva élégant, spirituel, très gentleman, et en effet, il n'était pas mal avec ses cheveux qui grisonnaient aux tempes, ses moustaches fines, sa taille élancée et souple, sa bouche mince et malicieuse. Il portait admirablement la toilette et offrait l'apparence, en un mot, d'un Parisien parfait égaré dans les brouillards de Londres. Au bout de quelques visites, je trouvais que Carmencita me parlait de lui avec trop de complaisance pour que je ne m'inquiétasse pas, étant donné les idées que j'ai et que je vous ai dites. Je songeais à partir, mais il était déjà trop tard. Ma fille se plaisait à Londres maintenant et ne voulait plus quitter cette ville. Quant au comte, quand je lui parlais de ce départ, il me dit aussitôt « Je vous suivrai. Rien ne me retient ici. » Et je vis la façon dont il prononça ces simples paroles, dont il me regarda en les disant que déjà il aimait ma Carmen au point de ne vouloir plus se séparer d'elle. C'est alors que je fis ce que j'aurais dû faire avant de laisser franchir à ce personnage le seuil de ma maison. Je pris sur lui des renseignements. « Ah, monsieur, déplorable, j'avais introduit chez moi le pire des aventuriers, un pilier de cercle et de tripot, vivant du jeu, capable de toutes les mauvaises actions et cherchant par tous les moyens possibles à conquérir une dot qui lui apporterait l'aisance ou la fortune. Ce n'était pas ma fille qu'il aimait, j'en fus convaincu, mais l'argent que je possédais et que je devais lui donner. Je m'empressai de boucler mes malles et de fuir sans m'occuper de ce que penserait Carmencita du chagrin qu'elle pourrait avoir. Je voulais à tout prix la séparer de cet homme et j'étais bien résolu, après avoir touché barre à Paris pour qu'elle pût renouveler sa garde-robe, à partir pour quelque pays où le comte ne nous retrouverait pas. Je ne devais pas quitter Londres, cependant, sans revoir mon aventurier. Comme je revenais à mon hôtel pour donner des ordres pour notre départ, il m'agrippa dans la rue et me dit qu'il voulait me parler, et cela avec un tel ton, un tel regard, que je fus abasourdi et qu'une terreur se glissa dans mon âme. J'essayai de m'échapper et répondis froidement. « Je n'ai rien à vous dire, monsieur. »« Vous partez, » dit le comte, « pour me séparer de votre fille. Mais je l'aime, votre fille, et elle m'aime. Et où que vous alliez, vous ne la soustrairez pas à mon adoration. »« Monsieur, » m'écriai-je. « Ah !» fit le personnage avec un sourire audacieux. « Ce n'est pas la peine de prendre vos grands airs. Quand j'ai résolu une chose, personne ne peut m'empêcher de l'accomplir. Je n'ai jamais reculé devant rien. » Et retenez bien ceci, je veux votre fille, et je l'aurai vivante ou morte. » Un frisson passa dans mes os, morte. Je voyais déjà ma fille descendue au cercueil, et cette idée, qui ne m'était jamais venue qu'elle pouvait mourir, que je pouvais la perdre, me frappa à ce moment avec une telle intensité que je faillis crier de douleur. Je me tournai vers le misérable, et hors de moi de fureur et de désespoir, je lui criai, « Jamais, vous ne reverrez ma fille, jamais, entendez-vous ? Quand je devrais l'enfouir au fond d'un couvent, la cacher dans quelque désert inaccessible. Jamais, monsieur, jamais. » Il répondit tranquillement, sans paraître émotionné le moins du monde par mon emportement, « Je l'aurai vivante ou morte. » Et il me quitta. Nous partîmes quelques heures après, ma fille et moi, mais dès que nous fûmes arrivés à Paris, ma pauvre enfant, qui n'était jamais malade, fut pris subitement d'un mal étrange, dont, comme médecin, j'avais appelé près d'elle les princes de la science, ne put définir la nature et qui me l'enleva en quelques jours. Vous dire mon désespoir, monsieur, serait impossible. J'avais oublié le comte de Cazalès et ses menaces, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me dire que c'était cet homme qui m'avait porté malheur. Il devait avoir le mauvais œil, la jettatura, comme nous disons chez nous. Toutefois, je n'y pensais guère, quand j'ai reçu ce matin cette lettre qui m'a mis dans un état effrayant. » Et le duc montra au chef de la sûreté un papier sur lequel celui-ci lut ces mots. « Je vous ai dit, monsieur, que je l'aurais vivante ou morte. Elle est morte, mais je l'ai. » Le policier regarda monsieur de la Rivière. « Eh bien, » fit-il. « Eh bien, monsieur, je suis persuadé que cet homme a tenu sa parole, qu'il m'a pris mon enfant, qu'il me l'a prise morte, ne pouvant me la prendre vivante, et qu'il m'a volé son corps. Et vous désirez que vous me donniez l'autorisation, monsieur, de m'en assurer. » Le chef de la sûreté regarda son visiteur. « Et quoi, monsieur, vous voulez m'assurer que le corps de mon enfant est encore dans son tombeau? Oui, monsieur. » Et sur un geste du chef de la police, il ajouta « Oh, monsieur, je vous en supplie. Tant que je resterai dans ce doute, je ne vivrai pas. Et si vous me refusiez, je ferai tout, je ne vous le cache pas, pour passer outre, pour m'introduire de nuit dans le cimetière et faire ouvrir à n'importe quel prix le tombeau où j'ai fait déposer ma malheureuse enfant. La voir, monsieur, la voir une dernière fois, et savoir qu'elle est là, toujours, et que sa dépouille n'est pas entre les mains du misérable. » Le pauvre père n'acheva pas. Il pleura tellement avec de tels sanglots que le chef de la sûreté ne put s'empêcher d'en être touché. « Où est-elle enterrée, votre enfant ? » demanda-t-il. « Au cimetière du Père Lachaise. » Le policier prit rapidement quelques notes, puis il dit au père si affligé « Trouvez-vous demain matin, à 5 heures, devant le tombeau de votre fille. J'aurai donné tous les ordres pour que vous acquériez la certitude que vous désirez avoir. » « Que ma fille est toujours là ? » ?»« Oui, monsieur. Mais pour moi, je n'en doute pas une minute. » Le duc ne répondit rien et se retira, courbé sous le poids d'une douleur sans nom. Chapitre 3e. La tombe est vide. À 5 heures du matin, le lendemain, le coupé du duc de la Riviera le déposa devant la tombe de sa fille, dont on était en train de construire le monument, un monument somptueux et riche, juste au sommet du Père Lachaise. Il faisait jour à peine, le temps était brumeux, un brouillard épais rasait les tombes. Le duc était livide, pâli autant par l'émotion que par le froid de cette matinée d'automne. À peine eut-il fait quelques pas hors de sa voiture, qu'un homme vêtu d'une redingote noire et coiffé d'un chapeau à haute forme, qu'il prit à la main pour parler, dit au gentilhomme « C'est à monsieur le duc de la Rivière. » Le père de Carmen, incapable de prononcer une parole, fit un signe affirmatif. « Je suis le commissaire de police du quartier, » dit l'homme à la redingote. « J'ai été envoyé par le chef de la sûreté pour procéder à l'exhumation. » En entendant ce mot « exhumation », un frisson avait traversé le corps du duc qui pâlit davantage. Il regarda la tombe de sa fille et des larmes jaillirent de ses yeux. Le commissaire ajouta « Les fossoyeurs sont là, qui attendent, et quand vous voudrez. » « Faites, » dit le malheureux père. Le commissaire fit un signe et les ouvriers, qui étaient dissimulés derrière les tombes, s'avancèrent et commencèrent leur funèbre besogne. Le silence était profond. La pesée des leviers de fer sur les pierres liées entre elles par le ciment produisait un bruit sinistre. Le duc ne respirait pas. Il contemplait avec des yeux hagards et fixes, noyés par les larmes, les hommes qui travaillaient, sans un mot, tout l'être torturé par la douleur, et quand les hommes eurent mis à jour, sortis de son alvéole de pierre, le cercueil en bois jaune verni, orné de poignées d'argent, qui contenait le corps de sa fille et qu'il avait reconnu tout de suite, il faillit tomber sur les genoux, tant fut vive l'émotion qu'il ressentit. Mais déjà, un des ouvriers dévissait la funèbre boîte, et quand le couvercle se souleva, le duc se pencha avidement pour voir ce qu'elle contenait, puis il se rejeta en arrière en poussant un cri sourd. Le cercueil était vide. Et il roula, évanoui sur la terre grasse et détrempée par la buée nocturne. En effet, le cercueil ne contenait pas de corps, mais seulement quelques objets disparates et lourds, mis là pour représenter le poids d'une jeune fille de 16 ans. Le commissaire et les ouvriers avaient peine à cacher leur stupéfaction, mais il fallait avant tout s'occuper du malheureux père, et c'est à cela que s'employa le commissaire, qui avait apporté avec lui à tout hasard quelques réactifs puissants. Quand le duc, après une série d'efforts, ouvrit enfin les yeux, il eut l'impression qu'il sortait d'un horrible cauchemar, et ne s'en rendit compte tout d'abord ni du lieu où il se trouvait, ni de ce qui s'était passé. Puis il aperçut les hommes, le cercueil, les tombes, et il poussa un cri de détresse. « Oh mon Dieu !» Et aussitôt, j'en étais sûr. On me l'a volé. On m'a volé le corps de ma fille. Et sans se préoccuper du commissaire et des hommes qui étaient avec lui, il se dirigea vers son coupé, y monta, jeta au cocher cet ordre. « Chez le chef de la sûreté, vite !» Mais le policier n'était pas levé. Il fallut attendre. Le duc trépignait d'impatience. Enfin, quand il lui était introduit dans le cabinet du haut fonctionnaire, il lui apprit ce qu'il venait de voir. « J'en étais sûr, on me l'a volé, on m'a volé le corps de mon enfant !» Le chef de la police avait peine à cacher sa stupeur et ne s'expliquait pas comment avait pu être accompli ce coup audacieux. Mais ce n'était pas le moment de perdre le temps aux conjectures. Le fait était là, il fallait agir. Il demanda au père de porter une plainte pour qu'il pût charger la justice. « Non, non !» fit aussitôt l'infortuné père. « Pas de plainte, je ne veux pas de scandale. Mettez-moi en rapport avec un de vos agents les plus habiles, je paierai ce qu'il faudra. » « C'est impossible, monsieur, » dit le chef de la sûreté. « Mes agents ne peuvent s'occuper de cette affaire que si la justice est saisie. Mais je connais un homme qui fait la police pour son plaisir et qui souvent nous a rendu de grands services. Il est d'une habileté extrême et est doué d'une audace à toute épreuve. Son nom, vite, vite, est tout ce qu'il demandera. » Le policier donna au duc le nom et l'adresse de Marc Jourdan et celui-ci se rendit aussitôt chez le célèbre policier qui était alors connu pour être le roi des policiers présents et futurs. Envoyé par le chef de la sûreté, il fut reçu aussitôt par le fameux détective. Et quand il eut fait connaître à celui-ci ce qui s'était passé, et le nom de l'homme qu'il soupçonnait, Marc Jourdan s'écria aussitôt « Je vous rendrai votre fille, monsieur, et je vous la rendrai vivante. » Le duc jeta un cri de stupeur. « Vivante ?»« Oui, vivante, car pour moi, elle est vivante. Je connais depuis longtemps le personnage dont vous venez de me dire le nom. » Il n'est pas sentimental pour un sou et ne s'embarrasserait pas d'un cadavre. S'il a enlevé votre fils, c'est parce que votre fille vit. C'est parce qu'elle représente pour lui, non pas du plaisir et de l'amour, car il est incapable de se laisser guider par de tels sentiments, mais une fortune, et une fortune considérable peut-être. « Je suis très riche, » dit le Brésilien. « Vous voyez bien. » Le duc avait peine à cacher son ahurissement. Il ne croyait pas encore à ce qu'on lui disait. Sa fille, vivante, mais comment ? Il était bien sûr de l'avoir vue morte, mais il l'avait vue dans son cercueil aussi, et elle n'y était pas, cependant. Il y avait là quelque chose qui tenait de la magie, un mystère, une énigme, qu'il ne s'expliquait pas et le laissait tout hébété. Mais l'homme parlait avec une telle assurance qu'il était presque convaincu et il avait tant de désir que cela fût vrai, que sa fille fût vivante. Il fit cependant cette objection. Mais pour que ce complot pût réussir, pour que cet homme pût épouser ma fille, il faudrait... « Votre consentement, vous le donnerez. Jamais !»« On aurait profité de votre surprise, de votre joie, et peut-être votre fille aime-t-elle déjà cet homme ?»« Oui, elle l'aime. Vous voyez. Mais jamais, moi vivant, on aurait attendu votre mort. Et avec un gaillard comme celui qui nous occupe, ce n'eût pas été long. » Le duc frissonna. « Vous croyez ? Je crois tout de lui. Et ma fille, si elle l'aime, elle fera tout ce qu'il voudra. Même contre son père, je suis sûr déjà... que la malheureuse n'a pas de volonté et qu'elle est l'esclave de cet homme. » Ce dernier coup assomma le pauvre père, qui se laissa tomber dans un fauteuil, la tête dans ses mains, en murmurant « Que faut-il faire ?»« Donnez-moi carte blanche, » dit Marc Jourdan, « et de l'argent. Je vous rendrai votre fille et remettrai moi-même entre les mains de la justice le malfaiteur qui s'est emparé d'elle. » « Tout ce qui m'appartient, je le sacrifierai, » dit le pauvre père, « pour revoir mon enfant et châtier le misérable qui me l'a prise. » Il remit à Marc Jourdan la somme que celui-ci avait fixée, et le détective se mit à l'œuvre immédiatement. Il ne tarda pas à apprendre que l'homme employé par le comte de Casalès était un bandit célèbre, récemment échappé du bagne, et que la police avait cherché jusqu'ici sans résultat, un nommé Maudru dit Bras de Fer. Il s'était mis à filer ce scélérat, et c'est en le filant qu'il s'était engouffré derrière lui dans l'égout où maintenant il roulait, emporté par le torrent boueux qui l'emmenait vers la Seine. Chapitre 4. Le mulâtre. Mis avec une élégance suprême, ayant à la boutonnière une orchidée qui avait dû coûter un louis, le comte de Casalès venait de s'asseoir à la table de baccarat du Cosmopolitan Club, boulevard des Italiens, et ayant allumé un cigare comme ceux que fume le roi Édouard VII, il déclara d'une voix retentissante « Il y a 200 louis en banque. »« Banco !» fit aussitôt une voix partie du fond de la salle. Et au son de cette voix, le comte, ordinairement calme et impassible, tressaillit profondément. Puis, se tournant vers un personnage placé près de lui, il dit tout bas « C'est étrange, s'il n'était pas mort, je croirais que c'est lui qui a parlé. » L'autre haussa les épaules. « Quelle idée !»« Sois tranquille, va, il est en train de pourrir dans les égouts et au fond de la Seine et il n'en sortira plus. Tous les journaux du reste ont annoncé sa mort. » « Ce n'est pas toujours une raison. » L'homme avec lequel s'entretenait le comte de Cazalès avait un bras en écharpe et n'était autre que Maudru dit Bras de Fer, qu'avait poursuivi dans les profondeurs de Paris Marc Jourdan le policier. Cependant l'homme qui avait jeté derrière lui ce mot, banco, dont le ton avait si fort troublé le comte de Cazalès, était parvenu à se frayer un passage à travers les pontes qui se pressaient autour de la table verte, et il apparut en pleine lumière. C'était un superbe mulâtre, très richement vêtu, et il n'avait rien de commun sans doute comme aspect avec celui que le comte avait supposé, car celui-ci se rassura à sa vue. Et il demanda avec son flegme habituel « C'est vous, monsieur, qui avez fait banco ?»« Oui, monsieur. » Cette fois, la voix était changée et ne rappelait pas du tout celle que le comte avait cru entendre. C'était une voix zézayante, ayant un léger accent. « Tenu !» dit-il, et il commença à donner des cartes. « 8 !» déclara le mulâtre. Le comte n'avait rien. Le mulâtre gagna et empocha les 200 louis. Le comte reconstitua la banque et dit « Il y a 100 louis en banque. » Et il voulut se mettre à tailler. « Banco !» dit de nouveau le mulâtre. « J'ai le droit de refuser, monsieur, » dit le comte, « mais j'accepte. » Il donna les cartes, gagna et dit « Il y a 400 louis en banque. » La partie commença sans que le mulâtre eût fait une nouvelle tentative. Il sortit de sa poche un carnet, griffonna rapidement quelques mots et dit à un homme de couleur qui était avec lui « Portez ceci, John, à mon intendant. Il vous remettra les fonds dont j'ai besoin. » Et John emporta le papier sur lequel le mulâtre avait écrit « Ils sont ici, tous les deux. Qu'on ne les perde de vue sous aucun prétexte. » De son côté, le comte de Cazalès, dont les soupçons n'étaient pas tout à fait dissipés, avait glissé à l'oreille de Maudru « Va donner des ordres pour qu'on file le mulâtre, qu'on sache d'où il vient, qui il est. » Puis il s'était mis à donner les cartes. Quand John fut revenu dans la salle et eut remis au mulâtre un petit paquet, qui semblait être un paquet de billets de banque, celui-ci se mit à ponter sur son tableau par billets de 1 000 et de 500. Il eut des alternatives de gains et de pertes, puis, au bout d'une heure de cet exercice, il ramassa son argent, se leva et quitta la salle. « Eh bien, » demanda Maudru à son ami, « je ne sais pas, » répondit celui-ci. « C'est fou, on verra, » dit le comte, et il continua à jouer. Il joua jusqu'à ce qu'on lui eût remis ce mot apporté à Maudru. « Jim en capilotade, loge grand hôtel, renseignement nul. » Le comte montra le mot à son ami, puis, trop préoccupé sans doute pour continuer la partie, il prit son argent, déclara « Il y a une suite !» et leva la banque. Un détail surtout l'intriguait et l'inquiétait à la fois. « Jim, en capilotade, qu'est-ce que cela voulait dire ?» Jim était un de ses plus habiles, de ses plus courageux auxiliaires. Que lui était-il arrivé ? Il avait hâte de le savoir. Il quitta le cercle rapidement et sur le trottoir, il trouva un de ces hommes qui l'attendait, celui qui lui avait envoyé le mot et qui se nommait Dubosc. « Voyons, Dubosc, qu'y a-t-il ? Voilà, monsieur, le mulâtre que vous nous avez ordonné de suivre est monté en automobile. » Pour ne pas le perdre de vue, Jim a grimpé derrière la machine, mais par suite d'un faux mouvement, ou plutôt exprès, car je crois que c'est exprès, parce qu'on s'était aperçu de la manœuvre de Jim, l'automobile, au lieu de partir en avant, a reculé brusquement en arrière et aplati le pauvre Jim qui ne s'y attendait pas contre la muraille. Il eut un cri de douleur. Je me suis précipité, mais comme l'automobile démarrait sans se préoccuper de l'accident, ce qui me donna à penser, mais plus fortement qu'il avait été provoqué, j'ai laissé Jim et je me suis lancé sur les traces de la voiture. Où est Jim maintenant ? Il a été relevé par des agents, emmené dans une pharmacie où on l'a pansé et conduit à l'hôpital. C'est grave ? Ce ne sera pas mortel. Et ce mulâtre, rentré au grand hôtel, on ne sait rien de lui, arrivé d'hier, venant d'Amérique. Le comte sembla réfléchir profondément, puis il dit « Je ne serai content, Maudru, que lorsque j'aurai frotté la peau de ce bonhomme pour voir s'il est bon teint. » « Moi aussi, » fit Bras de Fer, qui commença à partager les soupçons de son ami. « Et pourtant, » ajouta-t-il, « je suis sûr qu'il est mort. D'ailleurs, tous les journaux l'ont annoncé. » Le comte eut un geste plein de dédain, ils se séparèrent. Chapitre 5e. Ce qu'était le mulâtre. Le lendemain, le mulâtre, ou plutôt Marc Jourdan, car c'était bien lui, échappé par miracle à une mort horrible, Marc Jourdan lisait, assis sur un fauteuil, dans le salon de l'appartement qu'il occupait au grand hôtel, les détails contenus dans les journaux sur sa carrière et sur la façon tragique dont elle s'était terminée. C'était lui-même qui avait fait publier la nouvelle de son trépas, et il était satisfait qu'on le crût mort, pour être plus libre d'agir et pouvoir mieux tromper la surveillance de ses ennemis. Mais il n'était pas mort, comme on le voit. Réveillé de son évanouissement par la froideur de l'eau, il n'avait pas tardé à comprendre ce qui lui arrivait, et pour ne pas être achevé par son adversaire, il s'était laissé emporter par le courant sans bouger, restant le plus souvent possible entre deux eaux, et il était descendu ainsi jusqu'à la Seine. Comme c'était un excellent nageur, il s'était hâté de gagner le bord. Et quand il avait mis le pied sur la terre ferme de la berge, il s'était écrié, en proie à une satisfaction profonde, « Vous ne me tenez pas encore, mes bons hommes !» Il était rentré chez lui pour donner des ordres à ses fidèles lieutenants, en les prévenant que pour tous il devait être mort, et pour procéder à la métamorphose qui faisait en lui un mulâtre arrivé à Paris de la veille. Il avait gardé auprès de lui deux de ses hommes, celui qu'il appelait John et un autre, et distribué aux autres les rôles qu'ils devaient jouer dans la dramatique aventure qui commençait. Ces derniers, dont l'un s'appelait Filancâtre et l'autre La Gingole, avaient surtout pour mission d'espionner l'ennemi, et ce sont eux qui s'étaient élancés pendant la nuit sur les traces du comte de Casalès et de Maudrudy Bras de Fer, dont la présence dans le Cosmopolitan Club avait été signalée par le chef. Et ce sont eux que celui-ci attendait avec une impatience fébrile, tout en lisant les récits dramatiques de son épouvantable mort. Il était étonné qu'ils ne fussent pas encore là, et commença à craindre qu'il ne leur fût arrivé quelque chose, car on devait tout redouter de la part de Gredin, comme le comte de Casalès et son acolyte. Le policier, sa lecture terminée, commença à s'énerver quand Filancâtre se montra. C'était lui qui avait suivi la piste du comte. C'était un petit homme à figure chafouine, capable de passer dans un trou de souris et qui devait être excellent pour les filatures. « Ah, te voilà enfin !» dit Marc Jordan. « Voyons, qu'as-tu fait? As-tu appris quelque chose ?»« Tout, je crois. Comment tout? Je connais du moins la retraite du comte. Et s'il cache une femme, comme tu le crois, c'est là qu'il doit l'avoir enfermée. Où donc? Pas très loin de Paris, sur les bords de la Seine, une maison abandonnée, lugubre. Tu as vu quelqu'un? Rien. J'ai vu entrer le comte, qui prenait de grandes précautions pour n'être pas aperçu, et j'ai pensé que c'était le gîte. Il était venu en voiture, avait changé de fiacre deux ou trois fois, mais quelques fiacres qu'il prit, il y avait quelqu'un derrière, et ce quelqu'un, c'était moi. Bon, tu as remarqué la maison? Parbleu, tu connais le chemin? Je vous y mènerai les yeux fermés. Bon, j'irai cet après-midi. Je vais commander l'auto. En mulâtre? Non, non, je sais comment. Et si la petite est là, je la verrai. Faudra-t-il que je vous accompagne? Non, John me suffira pour l'instant. Mais préviens tout le monde de se tenir prêt pour cette nuit. Car si tu ne t'es pas trompé, si la jeune fille est bien là, c'est cette nuit qu'aura lieu la grande expédition. Il ne faut pas laisser la pauvre enfant trop longtemps loin de son père. Celui-ci la croit toujours morte. Il n'ose pas espérer la revoir vivante, et moi je suis sûr, cependant, plus sûr que jamais, qu'elle n'est pas morte. Comment les Gredins ont-ils fait? Voilà ce que je ne m'explique pas encore, mais voilà ce que je saurai, ce qu'il faut que je sache un jour. Dans tous les cas, c'est un beau coup. Un coup extraordinaire, extravagant, et bien digne de ce comte de Casalès, un des plus habiles coquins et de son digne acolyte, ce Maudrudy Bras de Fer, une des plus audacieuses canailles. « Ah, maître, » dit Filancâtre, « nous avons affaire à forte partie, et ce sera une belle prise. »« Très belle prise, mon vieux Filancâtre, et voilà pourquoi je veux réussir, réussir à tout prix. D'ailleurs, j'ai une revanche à prendre. J'ai failli laisser ma peau dans l'aventure, en effet. Et on a bien raison de me croire mort. Je ne sais pas moi-même comment je ne le suis pas. » Quelques heures après cette conversation, vers 2 heures de l'après-midi, une automobile partit du grand hôtel, une grande automobile contenant une chambre à coucher dans laquelle était monté le faux mulâtre, qui n'était autre que Marc Jordan, déposé sur la route, à quelque distance de la maison qui avait été signalée au policier par Filancâtre, un mendiant sordide, au visage couturé de hideuses cicatrices, vêtu de haillons repoussants, et qui n'était autre que le même Jordan qui, dans l'automobile même, avait procédé à ce changement qui faisait de lui un personnage tout à fait différent du fastueux mulâtre qu'on avait vu monter dans l'auto. Le mendiant, déposé à terre sans que qui que ce fût ait pu voir d'où il venait, l'automobile était repartie. Et Marc Jordan s'était dirigé d'un pas traînant de cheminot vers la propriété isolée où il avait l'intuition qu'était cachée la fille du duc de la Riviera. Chapitre 6e. La romance du vieux mendiant. La maison était bien faite pour cacher quelqu'un. Bâtie dans un endroit isolé, elle était précédée d'un jardin entouré de murs élevés dans lequel on pénétrait par une porte grillée, protégée par un blindage élevé, qui empêchait tout œil indiscret de plonger un regard à travers les barreaux. La maison était sombre. Toutes les ouvertures en étaient soigneusement fermées, et les murs entourant le jardin étaient noirs et lézardés en divers endroits. La propriété donnait l'impression, à première vue, de n'être pas habité depuis longtemps et d'être livré à tous les dégâts des intempéries et du temps. La Seine coulait très près, et la nuit, quand la maison était enveloppée de ténèbres, ou même le jour, l'hiver, quand les brouillards s'abattaient sur elle, elle devait avoir des aspects sinistres de coupe-gorge. Après l'avoir examinée dans tous les sens et s'être assurée qu'il n'y avait aucune chance d'y pouvoir pénétrer sans être aperçu s'il y avait quelqu'un dans la maison, le vieux mendiant vint s'asseoir sur le talus bordant la Seine, face à la maison, sur un monticule qui lui permettait, en plongeant par-dessus le mur du jardin, d'apercevoir les fenêtres du second étage de la maison et de voir s'il y avait quelqu'un. Mais ce second étage semblait aussi abandonné, aussi désert que le reste. Et Marc Jordan commençait à se demander si Philancatre n'avait pas rêvé, quand tout à coup il lui semble apercevoir un bruit de voix venant du pied de la maison, d'un endroit qu'il lui était impossible de voir. Aussitôt, comme s'il cédait à un impérieux besoin de se distraire, de chanter pour passer le temps, il se mit à brailler en s'accompagnant d'un accordéon dont il s'était muni à tout hasard, une vieille romance dont il écorchait l'air de la façon la plus criarde, de manière à percer les murailles, comme l'on dit, et d'être entendu et remarqué par ceux qui étaient derrière le mur. Et il eut l'impression en effet qu'on l'écoutait, car les voix s'étaient tues subitement. Alors il cessa de chanter sa romance et commença à chanter une chanson de sa composition, dans les couplets de laquelle il avait intercalé les noms de Carmencita et de la rivière. Et dès qu'il eut prononcé ces noms, il avait l'impression qu'une grande émotion s'était produite de l'autre côté de la muraille, car il avait entendu un bruit de pas précipités sur le sable de l'allée, puis il avait vu, au second étage de la maison, une persienne s'ouvrir, et une tête jeune, belle, toute radieuse, s'était montrée un instant comme un rayon de soleil à travers un ciel livide de nuages, mais pour disparaître aussitôt avec la rapidité d'un éclair, car les persiennes s'étaient refermées sur l'apparition avec une violence extrême. Mais le mendiant savait assez. « C'est elle, se dit-il, elle est là, et elle est bien vivante comme je le supposais. Philancatre ne s'est pas trompé, c'est là le repère. » Et satisfait de sa découverte, il ferma son accordéon, et lui qu'on avait vu s'approcher de la demeure mystérieuse d'un pas traînant et fatigué, disparut si rapidement que la personne sortit précipitamment pour voir qui était là, qui avait chanté, ne la vit pas s'enfuir, et elle regardait encore vers la route longe à la Seine, tout hébétée, que Marc Jordan avait déjà rejoint l'automobile qui l'attendait et l'emmenait vers Paris à une vitesse de 40 kilomètres à l'heure. Jamais il n'avait été aussi content de lui. Il tenait tout, la fille enlevée, les bandits, la récompense promise et la vengeance. Mais c'était la vengeance surtout, la revanche à prendre sur le gredin qui avait failli le faire périr, qui lui tenait au cœur. Il n'était pas fâché non plus de dévoiler enfin la véritable personnalité de ce comte de Cazalès qui depuis longtemps lui était suspect, qu'il avait soupçonné de complicité dans tous les grands vols et dans tous les grands crimes qui avaient émotionné Paris depuis quelques années, mais qu'il n'avait jamais pu prendre sur le fait et dénoncer même, car il n'avait pas de preuves. Mais depuis qu'il savait le comte lié avec Bras de Fer et les pires bandits, bien des faits restés obscurs pour lui s'expliquaient et devenaient clairs, bien des énigmes qu'il n'avait pu déchiffrer lui apparaissait facile. Il n'avait pas pu en effet s'attaquer jusqu'alors au comte de Cazalès, qui avait une situation dans le monde, contre lequel on n'avait pu rien relever encore, mais maintenant qu'il le savait complice d'un forçat évadé, il pouvait tout tenter. Et ce n'est pas cela qui l'enchantait le moins dans les découvertes qu'il avait faites depuis quelques jours. Le policier était donc tout à la joie quand son auto le déposa devant l'hôtel qu'habitait Bila Saïd, le duo de la Riviera, lorsqu'il était à Paris. Depuis la mort de sa fille, le duc ne sortait pas. Il était resté d'abord abîmé dans sa douleur, et maintenant qu'il s'attendait toujours à recevoir des nouvelles du policier qui s'occupait de la rechercher, il n'eut pour rien au monde quitté sa maison. Il passait son temps à la fenêtre, à guetter l'arrivée de Marc Jordan ou d'un messager envoyé par lui, non qu'il crût à ce que lui avait dit celui-ci, qui lui rendrait sa fille vivante, mais parce qu'il espérait qu'il lui apprendrait au moins ce qu'était devenu son corps. Et ce serait déjà pour le malheureux père une satisfaction inappréciable. Le duc ne croyait pas en effet que sa Carmen vivait. Il l'avait vue morte, il avait arrosé de ses larmes un insensible cadavre, et il ne croyait pas possible qu'on ressuscitât ce cadavre. Il faudrait un miracle, dont il ne croyait personne capable. Aussi continuait-il à pleurer comme par le passé sa malheureuse enfant, à se dire qu'il ne la reverrait plus jamais. Cependant, quand il entendit gronder au-dessous de ses fenêtres l'automobile du policier, il ne put se défendre une émotion si violente qu'elle faillit le jeter à terre. Il se leva néanmoins, courut regarder, et vit descendre de l'automobile une personne qu'il ne connaissait pas, un mulâtre, car Marc Jourdan avait repris sa personnalité exotique et il eut une déception. Il allait même donner des ordres pour ne pas recevoir cet étranger, quand la voix du policier, qui bousculait violemment les domestiques, arriva jusqu'à lui. Il courut devant de l'arrivant. « Je suis Marc Jourdan, » dit celui-ci. « Ah ? » fit le duc, complètement abasourdi, et aussitôt, « Ma fille ?»« Votre fille vit. Elle vit. Je viens de la voir. »« De la voir ? Oui. »« Mon Dieu, est-ce possible, ma fille vivante ? Je n'y crois pas encore. Je n'y croirai que lorsque je la tiendrai dans mes bras. Ma fille vivante, mon Dieu !» Le pauvre père semblait en proie à une telle émotion que Marc Jourdan en fut vivement touché. Il fit au père la description de la vision si rapidement entrevue. « Oui, » fit le duc ébahi, abasourdi, comme s'il faisait un rêve. « C'est bien cela. Ma Carmen, des yeux noirs, une lumière, une clarté, et vous l'avez vue ?»« Comme je vous vois. Où cela, monsieur, où cela ? Je vous l'amènerai bientôt. »« Oh, j'y veux aller moi-même, quand je devrais mobiliser pour m'en emparer toutes les forces de la police. » « Ne mobilisez rien, monsieur le duc, ne faites rien et laissez-moi agir, car c'est alors que vous ne reverriez plus votre fille vivante. »« Ma fille vivante ?» fit le père avec des yeux d'extase. « Ma Carmen Chita, je la reverrai, je lui parlerai. »« Je puis vous en donner maintenant l'assurance, » dit Marc Jourdan, « mais la moindre imprudence peut tout perdre. Elle est entre les mains de bandits qui ne reculeraient devant rien pour se venger et qui, s'ils se voyaient acculés, n'hésiteraient pas avoir recours aux pires extrémités. Ce comte de Casalès est le dernier des aventuriers. Il est le chef de repris de justice, de forçats évadés, que je connais depuis longtemps et auquel j'ai souvent fait la chasse. Et ma pauvre enfant ? Votre pauvre enfant, monsieur le duc, est pour le moment entre les mains de ces hommes. Mais je vous la rendrai, je vous le jure, je vous la rendrai saine et sauve. Laissez-moi faire. Que voulait donc ce misérable ? Faire une fin ? Une fin ? Devenir le mari de la fille du duc de la Riviera. Riche d'une fortune que personne ne pouvait lui contester, il prenait dans la société une place à laquelle il doit aspirer depuis longtemps. « Oh mon Dieu !» fit le malheureux duc, « c'est infernal !»« J'ai vu dans le cours de ma carrière, » dit le détective, « bien des choses étranges, mais rarement plus étonnantes et mieux combinées. » Et sur ces mots, il quitta le duc, qu'il laissa tout tremblant de crainte et d'espoir tout à la fois, car le malheureux père n'osait pas encore croire au bonheur qu'on lui faisait entrevoir. Chapitre 7e. La maison mystérieuse. Marc Jourdan avait hâte de quitter le duc, auquel il ne pouvait, du reste, rien apprendre de plus, car il avait à préparer la grande expédition qu'il méditait. Il fallait en effet, pour arracher aux bandits leur proie, agir sans retard, en coup de foudre, car ainsi qu'il l'avait dit au duc, il redoutait toutes les représailles. Quand les misérables se verraient sur le point d'être pris, ils ne reculeraient devant rien pour se venger. Mais pendant que l'habile policier organisait tout, le comte de Casalès, le plus redoutable de ses adversaires, recevait ce mot apporté par un envoyé de confiance, mendiant suspect remarqué autour de la maison se méfier. Il le fit transmettre aussitôt à Maudru dit Bras de Fer, qui lui répondit « Rien à craindre, je vais aviser ». Il faisait nuit depuis une heure déjà. Le ciel est sombre. Une pluie fine tombe par intervalles, et un épais brouillard s'amasse sur la Seine quand on voit arriver successivement plusieurs ombres qui se dissimulent l'une après l'autre dans les fossés ou les buissons qui entourent la maison dans laquelle Marc Jourdan a aperçu ou cru apercevoir la fille du duc de la Riviera. Et bientôt il arrive lui-même, enveloppé d'un ample manteau qui le cache jusqu'aux yeux, ayant sous ce manteau tout un attirail d'instruments divers, armes et outils de cambrioleurs, car il a résolu de pénétrer comme cambrioleur dans la maison suspecte, dans laquelle il ne peut essayer d'entrer de vive force, sans mettre en danger la vie de celle qu'il veut délivrer et rendre à son père. Après s'être assuré que tous les hommes qu'il a amenés avec lui sont au poste qui leur a été désigné, il se met en devoir, à l'aide de clous qu'il enfonce dans les trous de la muraille, d'escalader cette muraille, et il semble si habile à ce genre d'exercice qu'on dirait qu'il n'a fait que cela toute sa vie, et qu'il serait le plus redoutable des malfaiteurs s'il ne s'était fait le protecteur de leur victime. Avec une agilité que le plus leste des acrobates lui eût enviée, il atteint en quelques secondes la crête du mur, porte les yeux un instant autour de lui, et écoute avec attention. Rien de suspect, aucune lumière dans la maison, aucun bruit. On ne se doute de rien. Le vent siffle dans les arbres dont les feuilles commencent à tomber, mais rien d'autre. Un silence profond enveloppe le jardin de la maison où tout semble endormi ou mort. Le policier se laisse glisser doucement en bas, tombe sans se faire de mal sur la terre humide et couverte de gazon, puis il se dirige tout de suite vers la porte d'entrée de la maison située au-dessus d'un petit perron. Le silence est toujours aussi profond. Néanmoins, Marc Jourdan a pris à la main un de ses revolvers qu'il a armé, et pendant qu'il crochette d'une main, avec les outils qu'il a portés, la serrure de la porte, il tient de l'autre main son revolver prêt à faire feu. Mais la porte est ouverte sans qu'il ait eu besoin de se servir de son arme, et maintenant le voilà dans l'intérieur de la maison. Il a porté avec lui une lanterne sourde qu'il démasque et dont la lumière se projette sur des parois verdies par l'humidité. On dirait que la maison est restée inhabitée pendant des années, et il s'échappe de ses couloirs, une odeur de renfermé et de moisi. Le détective cherche à s'orienter, à se rappeler où se trouve la chambre dont la fenêtre s'est ouverte pendant qu'il chantait, et ayant aperçu l'escalier, s'y engage intrépidement, en ayant soin de ne pas faire crier les marches. Puis, arrivé devant la porte d'une chambre, il l'ouvre avec d'extrême précaution. Elle n'est pas fermée à clé, mais elle est vide. Vide aussi l'autre chambre située dans le même couloir. Qu'est-ce que cela veut dire? Une angoisse commence à s'emparer de l'âme du détective. Il précipite sa perquisition. Il hâte de voir s'il ne s'est pas trompé ou s'il n'a pas été joué. Il monte au second étage, visite l'une après l'autre les chambres de cet étage. Elles sont vides aussi, et on dirait qu'elles n'ont pas été habitées depuis des années. Cependant, c'est dans une de ces chambres qu'était la jeune fille. Marc Jourdan en est certain. Il la reconnaît maintenant après s'être assuré de la position qu'elle occupe. C'est celle dont la fenêtre s'est ouverte, celle dans laquelle il a aperçu la prisonnière. Et maintenant, il n'y a plus personne. Le lit est vide. Il n'a pas été défait. Il est évident qu'il n'y a personne dans la maison. L'oiseau s'est envolé. Comment? On se méfiait donc? La déconvenue du policier fut si vive qu'il se laissa tomber sur un siège. Joué encore? Joué par ces misérables bandits? La rage qui s'empare de lui à cette idée est si violente qu'elle le fait se remettre sur pied aussitôt. Et maintenant, sans précaution, avec une hâte fébrile, il visite tout, parcourt tout, mais il ne trouve rien. La maison est vide, morte. On dirait qu'il n'y a eu personne depuis longtemps. Est-ce qu'il aurait rêvé? Est-ce qu'il aurait eu la berlue? Il ne comprend pas. Après avoir fouillé partout, visité les placards, sondé les murs, inspecté la maison de la cave au grenier, sans avoir rien découvert, il se décide à sortir. Mais au moment où il va franchir la porte, il lui semble entendre dans l'ombre un grand éclat de rire narquois, ironique. Il se retourne vivement, braque son pistolet. Rien, il a été le jouet d'une illusion. Mais ce rire moqueur ravive encore sa fureur, et c'est dans un état de colère indescriptible qu'il rejoint ses associés. « Rien !» dit-il, « rien, il n'y a personne dans la maison, tout a disparu. »« Ah, les bandits !» Les autres l'interrogent avidement. « Il ne peut rien dire, il ne sait rien, il n'a rien trouvé, tout est à recommencer. » Il pense au désespoir du père qui attend sa fille et à qui il va annoncer qu'il a perdu sa trace. Il dit à ses hommes de rentrer à Paris, mais lui, il ne veut pas s'éloigner. Il attendra que le jour se lève. Il veut revoir de jour cette maison, l'examiner plus attentivement, y pénétrer de nouveau, s'il le faut, et prendre des renseignements près des voisins. Il a l'idée que c'est là, malgré tout, qu'il apprendra quelque chose. À la lueur de sa lanterne, il regarde l'heure à sa montre, il n'est pas 3 heures. Il a 2 heures à attendre à peine. Il dit au revoir à ses hommes et s'en va réfléchir sur le bord de la Seine, seul dans les ténèbres, à ce qui vient de lui arriver. Sa carrière de détective avait été semée déjà de bien des déboires, mais il n'en avait jamais éprouvé un si déconcertant et si cuisant, étant donné les circonstances dans lesquelles il se produisait et la confiance qui emplissait son âme quelques instants auparavant. Chapitre 8e. Route de ténèbres. Marc Jourdan resta seul dans l'ombre grise à méditer et à observer sans rien remarquer autour de la maison mystérieuse qui demeurait ensevelie dans sa solitude et son abandon et dont la toiture se voyait à peine au milieu de l'épais brouillard qui tombait sur la Seine et ses alentours. Puis l'ombre s'éclaircit peu à peu, le brouillard, sans diminuer d'opacité, devint plus bleu, et une rougeur se montra à l'Orient. C'était le soleil, c'était le jour, Alors le policier s'arracha son immobilité. Il était glacé. Il se mit à marcher sur le chemin longeant le fleuve pour se réchauffer un peu. Puis il vit, à quelque distance, un marchand de vin enlever les volets de sa boutique et il s'y rendit. Il n'avait pas de déguisement. Il était mis comme un passant quelconque, petit commis de magasin ou employé de bureau. Il se fit servir un verre de cognac, puis sans avoir l'air de rien, il dit au commerçant « Singulière maison que celle qui est là-bas. »« Où donc, monsieur ?» Jordan l'indiqua. « Celle qui est derrière ce grand mur. »« Ah oui. » « Est-ce que c'est habité ? Ça a l'air sinistre. »« Habité ?» fit le marchand de vin. « Ma foi, monsieur, je n'en sais rien. Depuis des années que je suis ici, je n'y ai jamais vu de locataire. Quelquefois, on ouvre des fenêtres, on les ferme, mais je n'y vois jamais entrer d'habitants. C'est comme l'autre, en face. » Le policier dressa la tête. « Quelle autre ?»« Une autre maison, absolument pareille à celle-ci, dont la grille donne sur la route derrière et qui est aussi entourée d'un grand mur, qui semble, du reste, continuer celui-ci. On n'y voit jamais personne non plus, du moins régulièrement. Quelquefois, le soir ou pendant la nuit, on y remarque des lumières. On se dit « Tiens, il y a quelqu'un. » Et le lendemain, plus rien. Tout est clos comme à l'ordinaire. Marc Jordan savait assez. Une lueur venait de l'illuminer. C'est dans l'autre maison que la fille du duc devait être maintenant. Les bandits s'étaient méfiés de quelque chose et avaient dû la transporter là. Les deux maisons devaient communiquer par un passage souterrain. C'est pour cela qu'on ne voyait jamais entrer ou sortir personne par la porte donnant du côté de la Seine, et qu'on apercevait quelquefois des lumières et qu'on y voyait des persiennes s'ouvrir et se fermer. Il cessa d'interroger, paya sa consommation et se dirigea vers le mur qu'il avait escaladé pendant la nuit. Il voulut pénétrer de nouveau dans la maison avant le jour, tout examiner et découvrir le passage qu'il soupçonnait. Profitant de l'obscurité que maintenait la brume épaisse dans laquelle tout était encore plongé, il grimpa vivement sur le sommet de la muraille en s'aidant, comme il l'avait fait précédemment, des longs clous qu'il avait avec lui, et en un clin d'œil, il fut de l'autre côté dans le jardin. Il connaissait les êtres maintenant. Ce fut un jeu pour lui d'entrer dans la maison, et tout de suite, il se dirigea vers la cave. « C'est là, pensait-il, que devait être, s'il ne s'était pas trompé, l'entrée des souterrains. » Ayant constaté que tout était tranquille dans la maison, que tout y semblait mort, il prit sa lanterne, examina minutieusement les murs, sonda les parois, ne découvrit rien, et commençait à se décourager un peu quand il lui sembla qu'à l'endroit où il se trouvait, le sol résonnait légèrement sous ses pas. Ce fut un trait de lumière. Il y avait là une trappe, peut-être, bien que rien ne semblât distinguer cet emplacement de ce qui l'entourait, car c'était partout le même sol, fait de terre battue, légèrement détrempée et humide. Mais le détective était au courant de toutes les habiletés et de toutes les ruses. Il était évident que s'il y avait un chemin faisant communiquer les deux maisons, comme il le supposait, l'entrée de ce chemin devait être soigneusement cachée et qu'on avait pris de minutieuses précautions pour la dissimuler. Il se mit donc à chercher avec une fièvre nouvelle, creusa la terre avec ses mains et bientôt il eut une exclamation de joie étouffée. Il venait de sentir sous ses doigts quelque chose de dur sur quoi ses ongles ne pouvaient pas avoir prise. C'était du fer, une trappe de fer sans doute. Il s'agissait maintenant de dégager cette trappe et de découvrir le ressort qui la faisait mouvoir. Il y avait près de 2 heures que Marc Jordan travaillait dans cette cave avec un acharnement qui lui faisait venir des poussées de sueur froide. Et il travaillait avec d'autant plus d'ardeur et plus de fièvre que le jour devait être tout à fait venu et qu'un d'un moment à l'autre il pouvait être surpris. Dans cette crainte, il avait à côté de lui son revolver qu'il pouvait saisir au moindre bruit, à la moindre menace. Mais rien ne bougeait au-dessus et autour de lui. Et tout à coup, il eut une exclamation de joie cette fois. Il lui sembla que la plaque de fonte, c'était décidément une plaque de fonte, avait bougé légèrement sous ses efforts. Il recommença dans le même sens la pression qu'il avait exercée déjà et qui lui avait donné ce résultat. Et il vit la plaque tourner, tourner lentement. Une bouffée froide lui monta au visage, une bouffée d'humidité glacée. C'était le souterrain, c'était le passage. Il aperçut un escalier creusé dans la terre. Il masqua sa lumière et se mit à descendre. Il descendait dans une obscurité épaisse, presque opaque, tout frémissant, ne sachant où il allait, où le conduisait cette rue de ténèbres qui pouvait le jeter au milieu des pires périls. Mais il n'hésitait pas, il voulait savoir. Quand il devrait y laisser sa peau, comme il le disait souvent, il voulait pénétrer le mystère qui l'intriguait tant. La route était longue, toute plane d'abord, puis elle commença à monter légèrement. L'audacieux policier la suivit avec des précautions infinies, sans lumière, car il n'osait plus s'éclairer de sa lanterne, de peur qu'une lueur filtrant par quelque interstice ne dénonçât sa présence. Il marchait avec des précautions infinies pour n'être pas entendu, pour n'être pas surpris et pouvoir surprendre. Et tout à coup, il s'arrêta brusquement. Il venait d'entendre tout près de lui un bruit de voix. Il prêta l'oreille et distingua une voix de femme. C'était une femme qui parlait, une voix douce, légèrement zézayante, la voix de la fille du duc sans doute. Jordan écouta. La jeune fille se plaignait qu'on la retint prisonnière dans cette maison triste et qu'on n'y amena pas son père comme on le lui avait promis. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ce que le comte voulait d'elle. Et une voix répondait que le comte attendait pour la délivrer, qu'elle ait obtenu le consentement de son père. « Vous savez bien, disait la voix, qu'il vous aime, qu'il ne sera heureux que lorsque vous serez sa femme. Et vous, vous ne l'aimez donc pas ?» Un soupir si violent que le policier l'entendit fut toute la réponse de la jeune fille. « Il faut donc, reprenait la voix, faire tout ce qu'il vous dit, souffrir patiemment. Mais papa, papa qui ne sait pas où je suis, qui doit s'inquiéter. Mais non, il sait qu'il n'a qu'un mot à dire pour que vous lui soyez rendu, et ce mot, il le dira sûrement, et avant peu, et alors ce sera pour vous et pour monsieur le comte la félicité parfaite. » On ne répondit plus, et la conversation en resta là. Mais Marc Jourdan était fixé. Il savait comment il pouvait s'emparer de la jeune fille, il savait ce qu'on attendait d'elle, il comprenait tout le complot qu'il n'avait fait jusque-là que pressentir. Mais il en savait assez maintenant. Il ne fallait plus rien laisser au hasard. Et il rebroussa chemin. Il allait sortir par les trois passages qu'il avait pris pour entrer dans le souterrain quand un autre bruit de voix frappa ses oreilles. Il reconnut des voix d'hommes et tout son sang se glaça dans ses veines. S'il était surpris, il était perdu. Il se blottit dans l'ombre. Les voix venaient du jardin et en regardant par une petite lucarne du souterrain, il reconnut ceux qui parlaient. C'étaient ses ennemis, Baudru et le comte. Le comte venait d'arriver sans doute, et Bras de Fer le mettait au courant de ce qui s'était passé pendant la nuit. Il se tordait, le gredin. « Je ne sais pas, disait-il, si c'est lui qui est venu, s'il vit toujours comme vous le prétendez, mais celui qui a pénétré dans la maison a dû faire une sale tête. Rien, mon ami, rien. Il n'a rien découvert. La fille, tout avait disparu. Il ne doit plus rien y comprendre. Ah, que c'est drôle !» « Vous auriez peut-être pu, dit le comte, profiter de l'occasion, pour vous délivrer de lui. Il ne devait pas être seul. Il aurait donné l'alarme et on ne l'aurait pas vu sortir. C'est vrai. Comme cela, au contraire, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et il n'aura pas envie de recommencer. C'est vrai, peut-être, dit le comte. C'est sa tête que j'aurais voulu voir, fit Modru, qui continuait à s'esclaffer. Ou si c'est lui qu'il devait être cocasse, car il n'aime pas qu'on se moque de lui. Mais pour moi, ce n'est pas lui. Il roule dans les flots de la Seine. Il doit être arrivé maintenant au filet de Saint-Cloud. Mais que c'est drôle !» Et le gredin s'esclaffait. Le comte ne répondit pas et ils s'éloignèrent. « Ris, ris !» pensa le policier. « Rira bien qui rira le dernier. » Et il chercha à sortir sans être vu de sa cachette et de la maison. Il n'avait pas perdu sa matinée, si la veille de la nuit avait été inutile. Chapitre 9e. La grande bataille. Après être rentré à Paris sans encombre, possesseur des renseignements si précieux qu'il s'était procurés, Marc Jourdan se rendit aussitôt chez le duc de la Riviera, qui devait l'attendre avec une angoisse qu'il comprenait, et quand le pauvre père vit qu'il revenait seul, il ne put s'empêcher de s'écrier « Vous voyez bien qu'elle est morte, que vous n'avez pas pu me la ramener, mon enfant, ma pauvre enfant !» Il se reprit à sangloter, mais d'un mot, le détective sécha ses larmes. « Je vous la ramènerai demain, » dit-il. « Vivante, vivante !» Le duc ne pouvait croire ses oreilles, mais quand Marc Jourdan lui eut raconté ce qui s'était passé, lui eut dit ce qu'il avait découvert, répété les paroles qu'il avait entendues sortir de la bouche de sa fille et parlé de l'expédition qu'il méditait pour la nuit prochaine, le duc s'écria. « Je n'attendrai pas jusque-là. Je veux en être. Je veux aller avec vous. Je ne vivrai pas une seconde nuit comme celle que je viens de passer. Je mourrai d'anxiété et de fièvre. » Et le policier, comprenant qu'en effet, il ne pouvait pas imposer au malheureux père le supplice d'attendre encore, lui dit « Je viendrai vous prendre à 10 heures, tenez-vous prêt. » Et il alla tout disposer pour la définitive lutte qu'il avait combinée. Le soir même, vers 11 heures, quand la maison contenant la fille du duc était plongée dans d'épaisses ténèbres et un silence de tombe, toute une file d'ombre sortie de la nuit se dirigea vers le mur que Marc Jourdan avait escaladé la nuit précédente. En tête de ces ombres et derrière le policier était le duc de la Riviera, en proie à une émotion si intense qu'il lui semblait qu'il ne respirait pas et que son cœur ne battait plus. Il n'osait prononcer une parole et modelait tous ses pas, tous ses gestes, sur ceux du détective. Pourvu qu'on réussît, mon Dieu, et que sa fille lui fût rendue saine et sauve, ah, ce qu'il eût donné, après avoir subi les angoisses, les douleurs sans nom d'une séparation définitive, pour l'avoir encore à lui, pouvoir l'embrasser et l'aimer. Tous les autres étaient silencieux comme l'infortuné père et retenaient leur souffle de peur qu'on ne les entendît. Arrivé au pied de la haute muraille, sans un mot, sans un ordre, Marc Jourdan lança au sommet des crampons de fer, terminant une petite échelle de corde dont il s'était muni. Et quand ils furent solidement fixés au sommet, il se mit à monter dans l'ombre tout doucement. Et après lui, le duc monta, puis tous les autres, une dizaine environ, pendant que d'autres ombres encore cernaient au dehors la maison donnant sur la Seine et la maison voisine avec laquelle elle communiquait. Tout cela se faisait en silence, sans bruit, comme si les deux maisons étaient envahies et environnées de spectres. Quand tous ceux qui avaient franchi la muraille furent dans le jardin, groupés autour du policier, celui-ci leur donna ses dernières instructions et tous se dirigèrent à sa suite vers le passage souterrain découvert la nuit précédente et dans lequel il s'engagea. Les autres le suivaient toujours, mais quand le détective fut arrivé devant la porte derrière laquelle il avait entendu la voix de la fille du duc, il dit aux autres de l'attendre, de se tenir prêts à courir au premier cri, au premier signal, de tenir leurs armes à la main, prêts à faire feu. Et il s'engagea seul, son revolver d'une main, sa lanterne sourde dans l'autre, parmi les ténèbres de la maison. Il était dans un large couloir qu'éclairait faiblement la lueur grise pénétrant par de larges fenêtres. Plusieurs portes s'ouvraient sur ce couloir. Le policier se dirigea au hasard vers l'une d'elles, l'ouvrit sans bruit. Et quand il fut dans la chambre, il écouta. Il crut percevoir le bruit d'une respiration. Il y avait quelqu'un dans la chambre. Qui ? Celle qu'il cherchait ou un adversaire ? Il fallait le savoir. Il démasqua sa lanterne. Le rayon tomba sur le visage d'un homme endormi. Mais aussitôt cet homme eut un sursaut, poussa un cri et se dressa sur ses pieds, après avoir saisi un revolver placé sur une table près de lui. Jourdan l'avait reconnu. C'était Maudru dit Bras de Fer. Et celui-ci avait reconnu l'envahisseur, qu'il croyait mort, car il ouvrait des yeux tout écarquillés d'épouvante, comme s'il avait vu se dresser devant lui quelque terrible spectre. Mais cela ne dura qu'un instant, une seconde à peine. Il avait braqué son revolver et il tira. Quoique atteint en pleine poitrine et à bout portant, Marc Jourdan ne tomba pas. Il avait une côte de maille en acier fin qui l'avait protégé. Il tira de son côté, mais en l'air, et jeta ce cri « À moi ! À moi !» Instantanément, la maison, tout à l'heure paisible et silencieuse, s'emplit de tumulte et de bruit. Les détonations claquèrent de toutes parts dans les couloirs. Mais Maudru avait disparu. On eût dit qu'il était entré dans le mur ou qu'il s'était enfoncé sous terre, et le policier n'était pas encore revenu de la stupeur que lui avait causé cette étrange disparition qu'il entendit des cris venant du jardin et poussé par un homme à lui. « Par ici, par ici !» Il comprit ce qui se passait. On enlevait la jeune fille. Il se précipita et arriva au moment où un groupe nombreux disparaissait derrière un massif de feuillage. Il projeta sur ce groupe le jet de lumière de sa lanterne et distingua quatre bandits emportant une jeune fille qui semblait évanouie. Il jeta un appel désespéré. « À moi ! À moi !» En l'apercevant, en entendant les hommes qui accouraient de toutes parts, les bandits abandonnèrent leur fardeau et s'enfuirent éperdument dans toutes les directions, pendant que Marc Jourdan et ses hommes les saluaient d'une salve nourrie de coups de revolver. Le policier se rua sur l'homme qui était devant lui et qu'il avait bien reconnu. C'était le comte de Casalès. « Misérable ! » cria-t-il en le visant, et il pressa la détente de son revolver. Mais le coup de feu n'était pas parti que le comte avait disparu, comme Maudru, son complice. Marc Jourdan resta de nouveau abasourdi, son arme encore fumante à la main. « C'est de la féerie !» murmura-t-il. Et il demeura un moment tout interdit, ne sachant que faire. Le bruit des détonations avait mis l'émoi dans le jardin, qui s'était empli d'allées et de venues. Filant quatre accourus, suivi du duc de la Riviera qui criait « Ma fille ! Ma fille ! Où est ma fille ?» Filant quatre demanda « Qu'y a-t-il ? Je viens de tirer sur le gredin. »« Et ma fille ? » cria le duc. « Je l'ai vu, on l'emporte !» Vivante, mais oui, vivante. Je savais bien qu'elle n'était pas morte. Oh mon Dieu, mais il faut courir. Où ? Tout le monde semble invulnérable ici et disparaît comme des ombres dans cette damnée maison. Le duc se tordait les mains. Mon Dieu, ma pauvre enfant. Cependant, Marc Jordan, qui se remettait peu à peu de sa stupeur, cherchait à s'orienter, à reprendre ses esprits, quand un cri venant du dehors le rappela lui-même. Il avait reconnu cette voix, c'était celle de l'agent Joël. « À moi, à moi !» crie l'agent d'une voix de détresse. Marc Jourdan se précipita du côté où partaient les cris, suivi de Filancâtre et du duc, complètement affolé et perdu. Sa fille vivait, sa fille était là, dans cette maison, et il ne pouvait pas la voir, la prendre dans ses bras. Le pauvre père ne pensait pas à autre chose, ne voyait pas autre chose. Tout le reste ne l'intéressait pas. Il semblait vivre un cauchemar et n'avait pas conscience de ce qui se passait autour de lui. Comme hypnotisé par cette idée que sa fille, qu'il avait vue morte, n'était pas morte, car il le croyait maintenant qu'elle n'était pas morte, puisqu'on lui affirmait qu'on l'avait vue vivante. Mais comment la délivrer? Comment s'emparer d'elle? Machinalement, il suivait l'homme qui avait promis de lui rendre son enfant, sans se rendre compte du danger qu'il pouvait courir. Marc Jourdan arriva dans le jardin, sur lequel tombait la lumière pâle de la lune, qui venait de se dégager de ses nuages, et qui emplissait l'ombre de fantômes au moment où un groupe confus disparaissait par une porte donnant sans doute dans l'autre jardin. Il avait compris, on emportait la jeune fille. Il s'élança en avant et trébucha dans un obstacle. Un gémissement l'arrêta. Il regarda. C'était la gingole qu'il venait de heurter, la gingole étendue à terre et ficelée. Il demanda. « Ils s'en vont ?»« Oui, maître. »« Ils emporteraient la jeune fille ?»« Oui. » Marc Jourdan n'en écouta pas davantage. Fou de rage, il se jeta sur la porte. Cette porte s'ouvrit brusquement et il disparut comme s'il avait été happé par quelque spectre invisible. Cela s'était fait si vite, avait été si inattendu que Filancâtre et le duc poussèrent un cri de stupeur et demeurèrent comme pétrifiés. En même temps, plusieurs bandits envahissaient le jardin, se jetaient sur le duc dont ils s'emparèrent et sur la gingole. Mais Filancâtre, agile comme un singe, avait vivement grimpé à un arbre et s'était blotti dans l'ombre des branches sans que personne s'en fût aperçu et pût deviner ce qu'il était devenu. Et du haut de son observatoire, il put suivre du regard ce qui se passait. Il vit quelques-uns des bandits saisir le duc, qui paraissait évanoui, et l'emporter dans la maison, pendant que d'autres enlevaient la gingole qui y geignait toujours. Mais ce qui se passait dans l'autre jardin était autrement intéressant encore que ce que voyait Filancâtre. Chapitre 10e. La volonté du comte de Cazalès. Emporté par son élan, Marc Jourdan, quand la porte avait cédé si brusquement, avait roulé à travers des plates-bandes, et il essayait de se relever, tout étourdi par la violence de sa chute, quand plusieurs bandits se précipitèrent sur lui, et l'un d'eux lui dit, avec un accent de haine intraduisible, « Ah, je te tiens donc enfin, policier de malheur, cette fois tu ne ressusciteras pas !» Celui qui parlait ainsi, c'était Maudru, dit Bras de Fer. Marc Jourdan l'avait tout de suite reconnu. Sans répondre, il le toisa d'un regard plein de mépris et si insolent que le gredin ne put s'empêcher de frémir. Il eut un geste de fureur involontaire, mais il se contint, car il aurait été emporté plus loin peut-être qu'il ne l'eût voulu. Cependant, on avait enlevé au vaincu ses armes et on lui liait les mains derrière le dos quand le comte de Cazalès vint dire à Maudru et à ses hommes « Qu'on ne lui fasse pas de mal !» « C'est moi qui veux le châtier. » On se contenta donc de lier Marc Jourdan sans l'insulter davantage et sans le frapper. Et le policier vit le comte se diriger vers le groupe au milieu duquel il apercevait la clarté que faisait dans la nuit la toilette claire de la fille du duc. La malheureuse enfant était là. Était-elle évanouie? Sans doute, car elle ne disait pas une parole, ne faisait entendre ni une protestation ni une plainte. Il entendit le comte donner l'ordre de l'emporter dans la maison, dans la première maison où il l'avait vue déjà, et il se demandait, très intrigué, ce qu'on allait faire. Les bandits ne paraissaient plus, en effet, avoir l'intention de fuir. Pourquoi auraient-ils fui, puisqu'ils s'étaient emparés de leurs ennemis et n'avaient plus rien à craindre? Mais quels étaient leurs projets? Que voulaient-ils faire de Marc Jourdan, qui était devenu Filancâtre et le duc? Le policier se posait avec angoisse toutes ces questions, tout penaud de s'être laissé prendre si sottement. Il avait agi comme un fou, sans réfléchir, quand il avait vu les misérables emporter celles qu'il voulait délivrer. Et maintenant, il était annihilé et ne pouvait plus rien, à la merci de la cruauté et de la vengeance de ses ennemis. Un cœur moins solide que celui de Marc Jourdan se fût désespéré. Le policier avait subi tant d'assauts déjà, qu'il se disait qu'il était impossible qu'il ne triomphât pas de cette épreuve, quelque cruelle qu'elle fût, comme il avait triomphé de tant d'autres. Il se demandait cependant comment il ferait cette fois pour échapper à la haine de Maudru. Il était sans défense, sans armes, les membres liés, dans une maison dont personne à la police ne connaissait l'existence. On pouvait le tuer là, et enfouir son corps sans que nul ne soupçonnât jamais ce qu'il était devenu, si on prenait la précaution de faire subir aux deux agents qui l'accompagnaient le même sort qu'à lui-même. Il ne doutait pas, en effet, qu'on ne se fût emparé d'eux, et il savait bien qu'on ne les épargnerait pas. Mais ces réflexions que se faisait le policier ne l'empêchaient pas d'observer ce qui se passait autour de lui. Il avait vu les hommes qui tenaient la fille du duc de la Riviera entrer dans la villa, suivis du comte de Casalès et de Maudru. Il se demandait ce qu'ils allaient faire maintenant, sans chercher même à le deviner. Il n'avait aucune idée, en effet, de ce que les misérables méditaient. La nuit s'était voilée de nouveau. Le jardin s'était empli de ténèbres et de silence, et les arbres frissonnaient au vent frais de la nuit. Marc Jourdan, qui ne pouvait remuer, sentait son corps se glacer peu à peu sur l'herbe humide, sur la terre détrempée par le brouillard épais qui tombait. Il était seul, mais il était incapable de faire un mouvement. Il avait cherché vainement à desserrer ses liens ou à les briser. Il n'était pas parvenu, malgré tous ses efforts, à les faire se relâcher un peu. Il avait les poignets endoloris, les chevilles douloureuses. Il ne pouvait se soulever même sur un coude. Et il n'entrevoyait aucun moyen de se tirer de là. Il était cette fois pris et bien pris. Cependant, quand Carmen Gita, toujours évanouie, fut entrée dans la maison, le comte, qui avait suivi le groupe qui la portait, la fit déposer sur un canapé et demeura un long moment à la contempler, pendant que les autres restaient groupés silencieusement autour de lui. Il ne put s'empêcher de l'admirer, tant elle était belle en sa pâleur, et il se dit « Quelle admirable créature! Pourquoi ne m'aime-t-elle pas assez pour me sacrifier son père et m'obliger à la lutte effrayante que j'ai entreprise? Nous aurions pu vivre heureux. J'aurais vu auprès d'elle la fin de tous mes combats et de tous mes crimes. J'aurais rompu avec ma bande et serais devenu un honnête homme. Elle m'aime, mais pas assez. Et il va falloir lutter encore, lutter toujours. » D'un geste, il éloigna ses compagnons. Et s'approchant de la jeune femme, il s'agenouilla auprès d'elle. « Carmen, lui dit-il de la voix la plus douce qu'il put prendre. « Carmen, m'entends-tu ? » Il ne reçut pas de réponse. La jeune fille était toujours sans connaissance. Alors, d'une voix rude, il demanda « De l'eau. » Un homme courut pour exécuter cet ordre. Nous avons dit quel homme était le comte de Casalès, distingué, élégant, de manière aristocratique. Il avait une figure agréable, une fort jolie taille, et malgré qu'il eût atteint la cinquantaine, il pouvait encore être aimé. En ce moment, après les émotions qu'il venait de traverser, et qui avaient laissé des frissons dans toute sa chair, des éclairs dans ses yeux, il était vraiment beau. Et si la jeune fille l'eût vu ainsi, la jeune fille sur laquelle il avait fait à première vue une si grande impression, elle n'eût pas manqué d'en être frappée. Cependant, on venait d'apporter au comte une coupe pleine d'eau et une serviette. Il mouilla la serviette et frotta les tempes de la jeune fille. Puis il demanda « Qu'est devenu le duc ?» On l'a transporté dans la maison voisine. Il était évanoui. Lui aussi, l'émotion, les coups de feu. Qu'on lui donne des soins. Et quand il sera revenu à lui, qu'on me prévienne. « Bien. Et les policiers ? Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas retrouvé. » Le comte eut un tressaillement. Il s'est échappé. Mais il n'a pas pu sortir du jardin, il a dû se cacher. Qu'on le cherche et qu'on me le retrouve à tout prix. Oui, monsieur. Et qu'on me laisse. Et le comte continua à donner ses soins à la fille du duc. Au bout d'un long moment, la pauvre enfant ouvrit les yeux et son premier mot fut « Papa ». Le comte frémit. « Vous voulez voir votre père ? Oh oui, je vous en supplie. » Je ne sais pas si j'ai rêvé, il m'a semblé entendre sa voix. Quand donc, tout à l'heure. Et je vous mets en sa présence. Oh, je serai bien heureuse. Et lui direz-vous que vous m'aimez, que vous voulez m'épouser? Je lui dirai que je ne veux pas lui faire de la peine. Le comte fronça les sourcils. Son visage devint d'une dureté extrême. Vous ne m'aimez donc pas? Fit-il d'une voix rude. Aussi, murmura la pauvre enfant, mais j'aimais mon père avant vous, et je ne veux pas qu'il soit malheureux à cause de moi. Et pourquoi serait-il malheureux parce que je vous aime? Pourquoi ne veut-il pas que je vous épouse? Je ne sais pas, gémit la malheureuse jeune fille. Et elle fixait celui qui lui parlait avec des yeux épouvantés. Elle n'avait pas une conscience nette de ce qui se passait en elle. Elle avait été attirée tout d'abord vers le comte quand elle l'avait vu à Londres pour la première fois, mais depuis qu'elle avait vu la répulsion qu'il inspirait au duc, depuis qu'elle avait vu la façon dont il avait agi avec elle, dont il l'avait séparée de son père, elle ne savait plus que penser et était bien près de le haïr, bien qu'il ne cessât de lui affirmer qu'il ne l'avait enlevée à son père que parce qu'il l'aimait trop, qu'il ne pouvait plus vivre séparé d'elle, qu'il voulait l'avoir pour femme et qu'il saurait bien obtenir du duc qu'il la lui accorda. Et il continua à la bercer de cet espoir qu'un jour il fléchirait le duc, qu'il l'amènerait près d'elle, qu'il lui pardonnerait et qu'il serait heureux. Mais que les jours passaient et que cette promesse ne se réalisait pas, la défiance de la jeune fille allait toujours en augmentant. Et depuis qu'elle avait cru entendre la voix de son père, qui venait sans doute l'arracher à son persécuteur, cette défiance avait augmenté encore. Et à de nouvelles instances du comte, la jeune fille répondit sur un ton d'impatience, « Conduisez-moi à mon père, c'est tout ce que je vous demande. Et vous m'obéirez, je ferai ce que le duc, mon père, m'ordonnera de faire. Je ne résisterai pas à ses ordres. Et moi, déclara le comte, en fixant la jeune fille de ses yeux aigus, qui faisaient toujours passer des frissons dans son corps, moi, je veux que vous lui résistiez. Moi, je veux que vous lui ordonniez de m'obéir. Il est ici, il va venir, continua le comte en essayant de peser sur la volonté de Carmencita, qui frémit, et en la tenant sous la puissance de son regard. Je veux, entendez-vous, je veux que vous lui disiez que vous n'aurez pas d'autre mari que moi, et que s'il ne m'accorde pas votre main, vous mourrez. Et plongeant son regard dans les yeux épouvantés de la pauvre enfant, il ajouta, vous m'entendez? Je veux. Et en même temps, il faisait devant ses yeux effarés des passes magnétiques qui l'accablaient et brisaient en elle toute résistance. Elle finit par courber la tête et murmura doucement « Je ferai ce que vous voulez, mon ami. » Le comte la laissa sur le canapé et passant dans le couloir, il demanda « Où est le duc ?»« Dans la maison à côté, dans le salon. Il est revenu à lui ?»« Oui, j'y vais. » Et le comte se rendit auprès du père de Carmen. Chapitre 11e, Père et fille ou une étrange entrevue. Bien qu'il eût repris ses sens, le duc de la Riviera ne semblait pas en possession de toute son intelligence. Trop d'événements l'avaient bouleversé, trop d'événements trop extravagants surtout, pour n'avoir pas laissé des ténèbres en son cerveau. Sa fille, qu'il avait crue morte et qu'il savait vivante maintenant, les scènes qui avaient suivi cette hallucinante histoire, d'où étaient nées les douleurs et le désespoir subis, c'était trop. C'était trop pour le malheureux père, il ne parvenait pas à s'en remettre et croyait toujours vivre son cauchemar. Étendu sur le canapé où on l'avait déposé et où il était parvenu à reprendre ses sens, il regardait avec une stupeur mêlée d'angoisse le décor bizarre qui l'entourait, cette pièce inconnue, à peine meublée, décorée d'un papier au dessin vulgaire et verdi en certains endroits par l'humidité, comme cela arrive dans des lieux restés longtemps inhabités. Les personnages qui se tenaient auprès de lui et dont il n'avait jamais vu aucun, scélérats complices de ceux qui avaient enlevé, séquestré sa fille et qui avaient l'air plutôt de gentlemen que de bandits, car ils étaient mis presque avec élégance. Et il n'était pas encore remis de son hébétement quand la porte s'ouvrit brusquement et le comte de Cazalès entra. En le voyant paraître, le duc s'était levé d'un bond. Le souvenir lui était revenu avec sa haine. Et c'est d'une voix toute vibrante de mépris qu'il s'écria « Vous ?» Le comte ne parut pas s'émouvoir, il souriait, son visage était calme, comme s'il faisait une visite dans le monde, et il avait vraiment fort grand air. Le duc le contempla avec une stupéfaction visible. L'aventurier s'était approché. « Oui, c'est moi, » fit-il tranquillement, sans paraître avoir remarqué l'hostilité contenue dans l'exclamation du duc. « C'est moi qui viens voir si vous êtes revenu à de meilleurs sentiments vers moi. » Le duc le toisa encore, il était littéralement pétrifié. Et incapable de prononcer d'autres paroles, il vociféra. « Rends-moi ma fille, misérable, ma fille que tu m'as ravie. Je ne sais, à l'aide de quel subterfuge, ma fille que j'ai pleurée morte, dont j'ai suivi l'enterrement et qui vit maintenant qu'elle a entre tes mains. Votre fille, dit le comte, que j'ai ressuscitée, que tu as tuée. Vos médecins l'avaient laissée mourir. Je l'ai rendue à la vie, et vous devriez me remercier à deux genoux, vous, son père. Le duc suffoquait. « Vous remerciez. »« Oui, si vous l'aimiez. »« Si je l'aimais, » fit le duc. « Si j'aime mon enfant. » « Ah, il n'y a qu'un homme comme vous pour en douter. » Les compagnons du comte qui avaient donné leurs soins au duc étaient restés. L'aventurier les renvoya d'un geste. Puis il dit au duc, de plus en plus abasourdi, « Un homme comme moi. » « Quel homme croyez-vous donc que je suis, monsieur ?»« Un bandit !» hurla le duc hors de lui. « Oui ?»« C'est ce que vous a fait croire ce méchant petit policier que j'ai maintenant entre mes mains et qui n'en sortira plus vivant. »« Vous voyez bien que vous êtes un assassin. » »« Je me défends. » Il a essayé 20 fois de me tuer. C'est un adversaire implacable. Il me supprimerait si je ne le supprimais pas. S'il vous poursuit ainsi, c'est que vous êtes un criminel. Pourquoi donc? Est-il chargé d'exécuter un mandat contre moi? Quelle plainte a-t-elle été portée? Représente-t-il la police française? Non. C'est un policier amateur, qui sert je ne sais quelle rancune, et dont vous vous êtes fait sottement le complice. Je suis un gentilhomme, monsieur le duc, un gentilhomme d'aussi bonne aloi que vous. Et tant que je n'aurais pas été flétri par la justice, j'ai le droit de porter haut la tête et de mépriser de misérables calomnies. Mais ce n'est pas lui seulement, dit le duc, qui m'a parlé de vous. Oui, je sais que d'autres ont pu me salir. J'ai, je ne l'ignore pas, et sans que je sache pourquoi, une mauvaise réputation. Le jeu, une jeunesse orageuse. Vous faites votre société des pires scélérats. Qui vous a dit cela? Ce policier. Qui prétend avoir reconnu parmi mes amis un forçat évadé du bagne, un nommé Maudrudy Bras-de-Fer, mais il s'est trompé. Ce prétendu forçat n'est autre que le baron Hafner, un gentilhomme très bien, que je vous présenterai quand vous le désirerez, et les autres, qui vous ont donné des soins, et auxquels vous devez de vivre peut-être encore, et de pouvoir revoir votre fille, seront-ce des bandits aussi? Le duc ne répondit pas, il était anéanti. Trop de pensées contradictoires se pressaient en son cerveau et y répandaient l'obscurité pour qu'il pût y voir clair. Il ne savait vraiment plus que penser et que croire. Qui mentait, de Marc Jourdan ou du comte? Il n'aurait pas su le dire exactement à cette heure, tant ce dernier avait d'assurance et semblait au-dessus de toutes les vilainies qu'on lui avait racontées. Pourtant le nom de sa fille, dont le comte venait de parler, sembla le rappeler à lui-même et il s'écria. « Vous ne m'auriez pas volé ma Carmen si vous n'étiez pas un bandit. Volé ?» Oui, vous me l'avez volée. Vous me l'avez prise dans son cercueil. Je vous l'ai prise morte et je vous la rends vivante. Non, car vous ne me l'avez pas rendue encore. Je n'ai fait que suivre sa volonté. Sa volonté. C'est elle qui n'a pas voulu vous revoir. Ma fille, s'écria le duc, qui se dressa brusquement. Vous mentez, monsieur. Vous mentez. Je vais la faire venir, dit le comte tranquillement. Et si elle consent à vous suivre, si elle consent à se séparer de moi, je vous la rends. Il se dirigea vers la porte. Pour aller chercher la jeune fille, le duc ne pensa plus qu'à une chose, il allait voir sa fille. Elle allait entrer par cette porte et se précipiter dans ses bras. Le malheureux père ne pouvait plus songer à autre chose. Il ne croyait pas naturellement à ce qu'on venait de lui dire, que sa fille n'avait pas voulu le revoir. Mais quand il la vit paraître, suivant le compte d'un pas saccadé, droite, rigide, les yeux sans regard, car le misérable l'avait endormie, et la tenait sous la puissance de son fluide, et quand elle le regarda d'un air surpris, indifférent, presque hostile même, sans pousser un cri de joie et sans tendre les bras, le pauvre père ressentit une impression si étrange, si pénible, qu'il faillit s'évanouir et s'écria que malgré lui, « Oh mon Dieu, ce n'est plus ma fille, on me l'a changée !» Il alla vers la jeune fille, lui prit la main avec un accent déchirant et plein de larmes. « Tu ne me reconnais donc pas, ma Carmen? C'est moi, je suis ton père. » « Si, papa, je te reconnais bien. » « Et c'est ainsi que tu me regardes, que tu me parles, moi qui t'ai tant pleuré ?» La pauvre enfant demeurait comme interdite. On voyait qu'une lutte terrible se livrait en elle. Elle ne cessait de contempler son père, mais on eût dit qu'elle avait été changée en statue. Elle ne bougeait pas, ne faisait pas un pas vers lui. Il n'y avait dans son regard aucune expression affectueuse. Et de temps en temps, de grands frissons la secouaient, et elle faisait des gestes comme pour se dérober au regard du comte qui ne la quittait pas et semblait peser sur elle, d'un poids qui la tenait toute accablée et toute tremblante. Le duc se tordait les mains avec une expression de douleur navrante. « Ah, mon Dieu, gémissait-il, tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas ton père. Pourquoi ne voulez-vous pas que je sois heureuse? Moi, je ne veux pas que tu sois heureuse. Que j'épouse celui que j'aime. Le comte de Cazalès? Oui, papa. Mais malheureux enfant, c'est volontairement que je suis parti, c'est volontairement que je reste. Ce n'est pas vrai, Ce n'est pas vrai !» cria le père, se débattant contre ses paroles comme on se débat contre un cauchemar. « Ce n'est pas vrai ! Ce misérable abuse de toi, et ce n'est pas ton cœur qui te fait parler ainsi, c'est lui qui pèse sur ta volonté. Mais je te délivrerai, moi, je sais où tu es maintenant, je t'arracherai son pouvoir, je viendrai te chercher avec toutes les forces de la police. » Le comte regarda la fille du duc et fit un geste de la main. Carmen dit lentement, « C'est ma mort que vous aurez prononcée, papa. » « Ta mort ? » ?»« Oui, car je ne vivrai pas, si on touche un cheveu du comte. Je ne vivrai pas, si on me sépare de lui. » « Tu l'aimes donc à ce point, malheureuse ?»« Oui, papa. » « Mais que veux-tu ?» La jeune fille hésita, mais sur un geste impérieux du comte, elle dit, « Être sa femme. » Le duc jeta un cri, « Jamais !» Puis ayant aperçu le manège du comte de Cazalès, « N'ai-je pas remarqué ce qui se passe ?»« Ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle par ta voix. Il te tient sous sa puissance, je ne sais par quel sortilège. »« Toi, sa femme, jamais, jamais !»« J'aimerais mieux ne t'avoir jamais revu et que tu fusses morte réellement. » Le père fit un geste violent qui fit faire un soubresaut à la jeune fille. Du reste, on voyait que la malheureuse souffrait atrocement. Elle était d'une pâleur extrême, se soutenant à peine, et à chaque instant, on eût dit qu'elle allait tomber. Le comte comprit qu'il était temps de mettre fin à cette scène pénible et qu'une catastrophe pouvait survenir. Il prit la jeune fille dans ses bras et voulut l'emmener. Le duc se précipita. « Mon enfant !» Carmen se retourna. Une lueur, l'espace d'un éclair, brilla dans ses yeux, une lueur semblable à celle qui illuminait autrefois son regard à la vue de son père. Et celui-ci reconnut ce regard qui autrefois lui causait tant de joie. « Ah, mon enfant !» s'écria-t-il, « tu m'aimes toujours !» Il voulut la saisir, mais le comte le repoussa brusquement et disparut avec Mademoiselle de la Rivière. Il revint un instant après et dit au malheureux père, encore tout hébété, « Vous ne reverrez votre fille maintenant, monsieur, que lorsque vous serez décidé à faire sa volonté. Vous la donnez pour femme ?» Le comte ne répondit pas. Il griffonnait activement quelques mots sur un papier. « Voici l'endroit où vous pourrez me faire parvenir votre réponse, car nous ne serons plus ici dans une heure. » Et ne comptez pas sur l'appui de votre policier, il ne sortira pas vivant de cette maison. Vous, monsieur, vous êtes libre, et je vais vous conduire dehors. » Quelques instants après, en effet, le duc se trouva seul sur la route, sur une route inconnue, semblant mal réveillé du rêve horrible qu'il venait de faire et ne sachant de quel côté se diriger. Était-ce vrai, tout ce qui venait de se passer, qu'il avait vu sa fille et qu'elle lui avait parlé comme il se le rappelait? Il fallut que l'infortuné tâtât dans sa poche le papier que lui avait remis le comte pour être certain qu'il n'avait pas rêvé. Il cheminait sur la route, d'un pas hébété, l'air halluciné, sans savoir où il allait et sans même chercher à s'orienter. Le jour se levait, un jour brumeux d'automne, avec des oiseaux chantant sur les arbres aux branches humides, enveloppées d'un brouillard bleuâtre. Il se retourna un instant pour contempler ces grands murs gris, derrière lesquels il laissait sa fille, et il murmura « Oui. » « Je reviendrai pour t'arracher à ta prison, pour t'arracher à ton bourreau. » Mais il pensa qu'il n'aurait pas l'appui de Marc Jordan, car on ne laisserait pas le malheureux sortir vivant du piège dans lequel il était pris, et un profond découragement se glissa dans son âme. Il se demanda s'il avait fait tout ce qu'il devait, s'il avait parlé comme il le fallait à sa fille et à son ravisseur, et ce qu'il devait tenter pour délivrer la malheureuse enfant. Pendant qu'il se faisait ces réflexions atroces, il entendit tout près de lui le grondement d'une automobile. Il n'eut que le temps de se ranger pour la laisser passer, et il jeta un cri effrayant. Il avait reconnu dans la voiture rapide sa fille, sa Carmencita, que l'on emmenait. Le misérable ne lui avait pas menti. Alors, pris d'un désespoir immense, il se laissa tomber sur le talus de la route et resta longtemps insensible, la tête dans ses mains, pleurant à chaudes larmes. Il fut tiré de sa prostration douloureuse par quelqu'un qui s'écria « Mais je ne me trompe pas, c'est monsieur le duc. » C'était Filan IV qui venait de descendre de l'arbre où il était resté caché. Monsieur de la Rivière le reconnut pour un des lieutenants de Marc Jordan. « Vous n'êtes pas mort ? » s'écria-t-il. « On ne m'a pas trouvé. » « Et monsieur Jordan ? » « Je vais revenir le délivrer. » « On ne l'a pas tué ? » « Pense pas. » « Et où allez-vous maintenant ? » « À Paris. » « Réunir les amis de mon maître. » « Nous reviendrons ici en nombre et nous prendrons sur les bandits une de ces revanches. » « Et ma fille, dit le duc, ma pauvre fille que l'on emmène. »« Oui, je sais, je l'ai vue partir. Marc Jordan vous la rendra, il vous l'a promis, quand il sera dehors. »« Si vous le délivrez, dit le duc, qui ne croyait plus à rien. « Oh, il saura bien se délivrer lui-même. » « Si nous n'arrivions pas à temps, » dit le jeune détective, « je ne suis pas inquiet de lui. » Et il emmena vers Paris le duc, qui le suivit machinalement, incapable qu'il était, de penser et d'agir par lui-même. Chapitre 12e. Heure d'épouvante. C'était une épaisse nuit de brouillard. Ferréol, Léonec, Cœur d'Ours et la Sommeur, les amis et les aides de Marc Jourdan, venaient d'arriver sur les bords de la Seine où l'on voyait à peine à quelques mètres devant soi, guidés par Filan IV. Ils étaient fortement émus, car tous étaient très attachés à Marc Jourdan, pour lequel ils avaient autant d'affection que d'admiration. Ils connaissaient en effet son désintéressement, son courage et sa grande bonté. Il avait toujours été parfait pour eux, leur rendant tous les services qu'il pouvait leur rendre et consacrant toute sa fortune à leur assurer une existence paisible, exempte de tout souci matériel. Or, ils avaient été épouvantés par le récit de Filan IV, qui n'avait pas coutume d'exagérer ses impressions et de voir des dangers là où il n'y en avait pas. Ils savaient, au contraire, que le jeune homme était plein de sang-froid, ne se laissait pas démonter facilement, et que, pour paraître effrayé et inquiet comme il semblait l'être, il fallait qu'il eût été violemment secoué. Tous craignaient donc de ne pas revoir vivant leur pauvre maître, quand Filan IV leur eut montré les murs sombres et lugubres de la maison fatale en leur disant « C'est là ». Ils ne purent s'empêcher de sentir un frisson passer dans leurs âmes, fait pourtant depuis longtemps à toutes les émotions. Et ils contemplèrent un moment sans parler la sinistre demeure. C'est là qu'il avait été abandonné, là qu'il était sans doute. Est-ce qu'il le retrouverait vivant, ou retrouverait seulement son cadavre? Il n'en savait rien et redoutait tout. Le plus ému était certainement le bon Ferréol, qui avait pour Marc Jourdan l'affection la plus vive et qui n'avait pas été cuirassé comme les autres contre les émotions. Mais il n'avait pas le temps de se laisser aller à ses impressions, il fallait agir, agir vite. Peut-être était-il temps encore pour sauver le maître, et il se mit aussitôt à l'œuvre. Ses compagnons avaient apporté des cordes, des crampons de fer et en un clin d'œil, tous surescaladé le mur et sauté dans le jardin. Là, Filan IV essaya de s'orienter au milieu des ténèbres. Il indiquait à ses compagnons, au fur et à mesure qu'il les reconnaissait, les endroits où il avait passé déjà ou qui avaient été témoins des scènes qu'il avait racontées. « C'est par là, » dit-il en montrant une touffe d'arbustes qui faisait dans l'ombre une ombre plus épaisse. « C'est par là qu'ont fui les gredins qui emportaient la fille du duc. » « Et par ici, » ajouta-t-il en désignant une allée conduisant à la maison, « par ici qui a couru le maître pour s'emparer d'elle et mettre en fuite les ravisseurs. » Voilà l'endroit où la gingôle a été prise, l'arbre où j'ai pu grimper et qui m'a sauvé. Tout en parlant, il conduisait ses camarades vers la maison dont on voyait confusément la masse noire surgir de l'obscurité. Avant d'y pénétrer, il écouta attentivement s'il n'entendait aucun bruit. Puis rassuré par le silence qui l'enveloppait, il dit aux autres « Venez, il n'y a personne. » Mais à peine les amis du détective avaient-ils franchi la porte de l'entrée que Filan IV avait fracturé avec une habileté extraordinaire qu'ils entendirent de faibles gémissements. Il y avait quelqu'un là, quelque blessé sans doute, le maître peut-être. Filan IV prit sa lanterne sourde dont il avait démasqué la lumière et se dirigea vers l'endroit d'où partaient les plaintes. Et il reconnut la gingôle des Landouilles, étendue par terre tout ligotée, que les bandits avaient laissée là sans s'occuper de lui et qui mourait de froid et de faim. Le pauvre Landouille, qui jusque-là avait supporté assez patiemment son mal, et qui s'attendait bien à mourir où il était, car il n'espérait pas que personne viendrait le délivrer, tous les bandits ayant abandonné la maison. Le pauvre Landouille, disons-nous, avait été soudain pris d'un espoir quand il avait entendu du bruit et il s'était mis à geindre pour attirer l'attention. Filan IV lui dit dès qu'il l'eut reconnu « Ah, c'est toi, mon pauvre ami !»« Hélas !» gémit douloureusement la victime des scélérats. « Et le maître ? Je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas tué ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je suis ici. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. » Et comme il m'était impossible de faire un mouvement, « Tu ne sais pas s'il est encore dans la maison ?»« Qui ? Le maître ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Ah, les bandits !» Filan IV avait tiré de sa poche un couteau effilé et couper les liens qui attachaient les bras et les jambes du pauvre la gingôle. Celui-ci se mit debout, bâilla, s'étira et dit « Ah, ça va mieux !» Puis, aussitôt, « Mais que j'ai faim !»« Tu as faim ?»« Je meurs, et soif !»« Nous n'avons rien apporté, nous ne pouvions prévoir. »« Il faut s'occuper de Marc Jourdan, » dit Ferréol, qui trouvait que l'on perdait trop de temps et qui était impatient de savoir ce qu'on avait fait de son ami. Peut-être allait-on le trouver ficelé dans quelques pièces et vivant comme la gingole. Mais c'est en vain que l'on visita de haut en bas toute l'habitation et la maison voisine, qui communique avec elle ainsi que le savait Philenquatre. On ne découvrit rien, aucune trace du pauvre détective, et ses amis étaient désespérés. Quand Philenquatre dit « Il doit y avoir dans les souterrains quelques caves secrètes, dont nous n'avons pas aperçu l'entrée, et quand il faudrait faire sauter les murailles... »« Oui, oui, » dit Ferréol. Et tous se précipitèrent vers les régions souterraines de la maison. Pendant ce temps, qu'était devenu Marc Jordan? Emporté par les bandits du comte, il avait été déposé, d'après les ordres de celui-ci, sur le sol humide et boueux d'une cave profonde, et ils l'avaient laissé là pour suivre leur maître. Le séjour était plus affreux que tout ce qu'on pourrait dépeindre et imaginer. Figurez-vous des murs noirs, empuantis d'odeurs de tombe, et d'où l'eau ruisselait en minces filets boueux, car la Seine était haute et commençait à inonder les maisons riveraines. Le fond de la cave était plein déjà, et on y pouvait marcher sans avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Il était évident que dans peu de temps, dans quelques heures à peine peut-être, l'eau monterait le long des parois du souterrain et finirait par l'emplir tout à fait. C'était pour Marc Jourdan la mort à bref délai, et la mort la plus horrible qu'on pût imaginer. Déjà, il pouvait avoir l'impression que grouillaient au fond des épaisses ténèbres des bêtes immondes, des rats infects, car il entendait le bruit qu'ils faisaient en se débattant dans l'eau. Et il eut, quand il se trouva dans cette ombre horrible, une sensation si pénible, si cruelle, qu'il resta un moment comme anéanti. Cette fois, il ne voyait aucune fuite, aucun salut possible. Dans les égouts, il savait qu'il trouverait une issue, mais là, rien, il était muré comme dans une tombe. Et l'eau montait, montait inexorablement. Il l'avait senti pénétrer ses chaussures, mouiller le bas de ses jambes. Elle allait continuer à monter sans que rien pût l'arrêter, et l'infortuné pouvait mesurer le temps qu'il lui restait à vivre et calculer l'heure où l'eau arriverait à sa poitrine et à sa bouche. Avec une énergie surhumaine, il avait surmonté l'impression d'horreur et d'épouvante qui s'était emparée de lui. Et il s'était mis à visiter soigneusement toutes les parties du cachot où il était enfermé, à en sonder les murailles pierre à pierre, pour ainsi dire, pour voir s'il ne lui restait pas quelque espoir de se sauver. Il n'avait rien trouvé. La trappe qui fermait le souterrain était en fer, et il n'avait pu la faire bouger même d'un millimètre. Alors il se résigna. Mais il lui était dur de mourir sans s'être vengé, sans avoir livré le misérable dont lui seulement avait su découvrir les agissements, et qui, maintenant qu'il ne serait plus là, pourrait peut-être reprendre dans le monde la place qu'il avait occupée et continuer paisiblement le cours de ses forfaits. Savoir impuni à tel scélérat était ce qui semblait à Marc Jourdan le plus pénible. Il ne pouvait rien, maintenant, rien, pas même apprendre à d'autres ce qu'il savait, charger quelque autre de le venger et de châtier le misérable. Il était persuadé que ses compagnons, Philenquatre et la gingole, étaient restés comme lui dans le repère et que nul ne le connaîtrait désormais. Cependant, les heures s'écoulaient pendant que le détective se livrait à ses réflexions et était enveloppé de ses horreurs. Les heures s'écoulaient et les infiltrations qui s'étaient produites dans la voûte s'agrandissaient peu à peu, laissant pénétrer l'eau plus abondamment. Bientôt même, il y eut dans la cave un véritable éboulement et l'eau s'engouffra dans le souterrain avec une violence extrême. Marc Jourdan n'aurait même pas pour mourir le délai sur lequel il avait compté. Il ignorait combien il s'était écoulé de temps depuis qu'il était enfermé. Il était persuadé qu'il y avait quelques heures à peine qu'il était là, et il voyait bien qu'il allait mourir. L'eau croissait avec une rapidité extrême. Le détective en avait jusqu'à la ceinture. Bientôt, il en eut jusqu'à la poitrine. Dans quelques instants, il en aurait jusqu'à la bouche, et ce serait fini. Les rats affolés nageaient autour de lui et se raccrochaient à lui en couvrant son corps de morsures cruelles, lui causant une sensation d'horreur indéfinissable. L'air se raréfiait peu à peu. Déjà, l'infortuné suffoquait. Il sentait monter jusqu'à ses lèvres l'humidité affreuse de l'eau. Et il allait s'abandonner, quand une explosion épouvantable fit tout trembler autour de lui. Les murs s'ouvrirent comme dans un cataclysme, et Marc Jourdan poussa un cri d'agonie. C'était la fin. Chapitre 13e. Le piège. Ce n'était pas la fin, c'était la délivrance. Marc Jourdan se réveilla de son évanouissement dans les bras de Ferréol, son ami. Projeté par la brèche faite à la muraille avec un flot d'eau boueuse, le détective avait été saisi par ses amis qui l'avaient emporté dans les pièces du haut. mais il avait perdu connaissance et quand il rouvrit les yeux, il vit pencher sur lui les têtes anxieuses de Fil en Quatre, Léonec, Cœur d'Ours, la Sommeur et la Gingeole, et reconnut Fériol, qui le tenait comme une nourrice aurait tenu un nourrisson très cher. Il comprit. Ses amis l'avaient délivré. Il se secoua les membres et se mit à sourire. Alors il y eut une explosion de joie autour de lui. « Le maître n'est pas mort. »« Non, » dit Marc Jourdan, « grâce à vous, mes braves. » Il se mit debout et leur serra la main à tous. Il semblait avoir retrouvé toute sa vigueur et toute sa bonne humeur, et pourtant par quelles affres il avait dû passer. Il répéta. « Non, mes amis, non, je ne suis pas mort. » Comme s'il voulait se persuader à lui-même qu'il était vivant, bien vivant. « Non, je ne suis pas mort. Et je le ferai bien voir au scélérat. » Mais il était trempé d'eau boueuse, glacé. Il mourait de faim. Il n'y prenait pas garde. Il vivait. Il avait ses amis autour de lui. C'était tout ce qu'il fallait. Il aperçut la Gingeole, qui le contemplait avec des yeux abattis et la bouche toute ouverte d'étonnement. « Toi non plus, mon ami, tu n'es pas mort. Et pourtant, je pensais bien ne plus te voir. Non, maître, ils m'ont délivré aussi. On ne m'avait pas fait tant d'honneur à moi. On m'avait laissé tout bêtement sur le pavé d'un corridor. Mais que j'ai faim. » « Moi aussi, » dit Marc Jourdan, « effroi. Vous allez pouvoir vous changer, maître. Nous avons apporté ce qu'il fallait et nous trouverons bien à manger quelque part. Que sont devenus les bandits? Nous l'ignorons, la maison est vide. Vide? Il n'y a plus personne. Et la fille du duc, ils l'ont enlevée. Et le duc? Je l'ai conduit chez lui, » dit Fil en Quatre. « Il s'est mis au lit, il est moulu. » « Pauvre duc, il n'a plus l'espoir de revoir sa fille. On la lui rendra, paraît-il, quand il voudra donner son consentement à son mariage. » Il a donc les moyens de faire connaître sa réponse au scélérat, il paraît. « Je vais le voir tout de suite, » dit Marc Jourdan. « Nous n'avons plus rien à faire ici pour l'instant. Partons. » Un instant après, tous avaient quitté la maison qu'ils laissaient envahie par les eaux qui se précipitaient par la brèche faite au mur de la cave et qui déjà emplissaient les sous-sols et noiraient bientôt le rez-de-chaussée et le jardin. En route, les compagnons de Marc Jourdan lui racontèrent ce qui s'était passé, comment Fil en Quatre avait échappé aux bandits et était accouru prévenir les amis. Marc Jourdan félicita son brave lieutenant et ne se lassait pas de remercier aussi Fériol de son dévouement et de son ingéniosité. L'explosion de dynamite avait lieu à temps. Quelques secondes plus tard, peut-être, il eût été trop tard. Jourdan ne respirait plus et l'eau atteignait sa bouche. Enfin, tout était bien qui finissait bien. Le détective était tout prêt maintenant à recommencer la lutte. « Mais quel gredin !» faisaient les autres. « Oui, » dit Marc Jourdan, « ils ont leur tête un rude homme. Plus dangereux encore, plus habile et plus audacieux que vous ne le pensez, car moi seul sais ce qu'ils peuvent faire. Avec quelle ruse infernale toute cette maison était machinée. Et il semble en avoir d'autres maisons un peu partout, dans Paris et autour de Paris, en province peut-être, car dès qu'un de ses repères est connu, il l'abandonne pour se réfugier ailleurs. Ah, c'est un homme de ressources. Il doit dépenser des sommes considérables et avoir sous la main toute une armée de bandits déterminés et qui, menés par lui, deviennent pour le mal une force terrible. Mais nous en viendrons à bout, mes amis, nous en viendrons à bout. Du moment que le maître est vivant, dit Fil en Quatre, nous ne sommes pas inquiets. Parbleu, firent ensemble Cœur d'Ours et la Sommeur. Sois prudent, fit le timide Fériol en serrant la main de son ami. Et Léonec, le colosse, déclara « Moi, d'abord, je ne l'abandonne plus. » Marc Jourdan haussa doucement les épaules. Comme s'il avait déjà oublié toutes ses épreuves, il était tout souriant. On voyait qu'un espoir l'animait. Et les autres ne s'y trompaient pas. Ils comprenaient que le maître avait son idée et que la lutte allait recommencer peut-être avec des chances de succès cette fois. Et en effet, le détective avait déjà échafaudé en son esprit tout un plan que nous verrons se développer bientôt. Il se tourna vers Fériol et Léonec et répondit au premier « C'est par la prudence qu'on se perd. » Et au second « Tu feras ce que je t'ordonnerai, mon gros. »« Oui, maître, » s'empressa de bégayer le breton qui n'avait jamais eu l'idée de désobéir. Comme Fil en Quatre l'avait dit à Marc Jourdan, celui-ci, qui s'était fait conduire, après avoir changé de vêtements et pris un peu de repos chez le duc de la Riviera, dès les premières heures de la matinée, celui-ci, disons-nous, trouva le pauvre père de Carmen au lit. Le duc n'avait pas dormi de la nuit et semblait brisé de fatigue et de douleur. Quand il vit le détective, il ouvrit des yeux tout béants de surprise. « Vous ?»« Oui, moi, monsieur le duc. Vous avez échappé ?»« J'échappe toujours. »« Ah, mon Dieu !» fit le pauvre père. « Moi qui n'espérais plus rien et qui allais, pour voir ma malheureuse enfant, obéir au coquin. »« Lui envoyer votre consentement ?»« Oui. » J'avais rangé cela dans ma tête, à voir ma fille l'embrasser. Je ne voyais que cela. Je voulais tout promettre, quitte à ne rien tenir. Mais je n'étais pas tranquille. J'avais peur que ma ruse ne nous coûtât cher ensuite, à ma pauvre enfant et à moi. Bref, je ne savais que faire. J'ai la tête un peu perdue, tant d'événements. Je donnerai ma vie pour avoir mon enfant et alors ? Oui, dit Marc Jourdan, je comprends. Le pauvre père avait de la peine à s'exprimer et à expliquer ce qu'il voulait faire. Il semblait prêt à tout pour avoir sa fille auprès de lui, même à ouvrir ses bras à celui qui aspire à devenir son gendre et qu'il savait être maintenant un criminel avéré. Il avait rêvé ceci. Il laisserait au besoin faire le mariage s'il le fallait absolument, puis, quand Carmen serait mariée, il fuirait avec elle. Des projets insensés qu'il avait roulés pendant toute la nuit dans son cerveau endolori par l'insomnie. Livré à lui-même, sans conseil, croyant Marc Jourdan mort et ne pouvant plus compter sur personne, il avait échafaudé pour reconquérir sa fille les combinaisons les plus folles. Il ne s'expliquait pas l'attitude que sa Carmen avait eue devant lui, mais il était persuadé qu'elle l'aimait toujours et que lorsqu'elle serait seule avec son père, elle redeviendrait ce qu'elle était autrefois. Marc Jourdan avait laissé divaguer tout à son aise le pauvre duc, que cela semblait consoler de parler de son enfant. Puis il lui dit, il parle nettement comme un homme qui est sûr de lui, « Vous allez dire au comte que vous consentez à tout, que vous voulez avant tout revoir votre enfant, qu'il vous dise où vous pouvez aller l'embrasser. Comment devez-vous communiquer avec lui ?»« Par le téléphone, il m'a donné un numéro. » »« Bon, et quand vous saurez où est votre enfant, c'est moi qui irai au rendez-vous. Vous, moi. Mais je n'irai pas seul. » Je me présenterai à votre place, avec votre visage, vos vêtements, si parfaitement grimés qu'il sera impossible plus méfiant de soupçonner la supercherie. Le duc ouvrait des yeux énormes. Vous serez moi ? Oui, et vous-même, vous vous y tromperez, quand vous me verrez, et quand je serai dans la place, alors nous aviserons. Et ma fille ? Votre fille ne court aucun risque, car c'est pour qu'elle ne court aucun risque que j'emploierai cette ruse, et je l'aurai mise à l'abri de toute représailles, avant que le bandit sache qu'il est en danger. « Je ne comprends pas, » dit le père, « mais je me fie à vous, et je veux être là-bas aussi. Vous viendrez avec les amis que j'aurai avec moi pour me prêter main forte. Soyez tranquille, tout ira bien. » Le détective semblait si sûr de lui que le duc se sentit tout réconforté. « Guidez-moi, » dit-il, « je ferai tout ce que vous me direz. Revoir ma fille, tout est là pour moi. » « Prenez rendez-vous avec le comte, » dit Marc Jourdan, « mais le plus vite possible, avant qu'il apprenne que je suis sorti du cachot où il espérait bien que je resterais toujours, car il se méfierait, et je me charge du reste. « Je vais téléphoner tout de suite, » dit le duc. « Et moi, » fit le détective, « procéder à ma métamorphose. Vous pouvez me laisser pour quelques instants votre cabinet de toilette, mais certainement. » « J'y trouverai sans doute ce qu'il me faut, car j'ai apporté avec moi une partie des accessoires, car j'avais déjà combiné mon plan. J'ai la barbe, les cheveux, il me manque les vêtements. « Voici ma garde-robe, » dit le duc. « Bien, c'est tout ce qu'il faut. À tout à l'heure. »« Moi, » dit le père de Carmen, « je vais m'habiller et téléphoner. » Le pauvre duc, tout à l'heure si abattu, semblait avoir retrouvé toute son énergie. Il espérait. Moins d'une demi-heure après, avant qu'il eût obtenu la communication avec son mystérieux correspondant, il se retourna en entendant une porte s'ouvrir. Il demeura bouche bée, cloué par la surprise. L'homme qui venait d'entrer était son portrait vivant, si semblable à lui-même qu'il aurait pu s'y tromper, comme l'avait dit le détective. « Ah ! » s'écria-t-il, « c'est merveilleux !»« Croyez-vous, » dit Marc Jourdan, « qu'il s'y laissera prendre ?»« Je m'y laisserai prendre moi-même, si je n'étais pas prévenu. Et votre fille, ma fille elle-même, vous prendra pour son père jusqu'à ce que vous lui ayez parlé. »« Bon, » dit Marc Jourdan, satisfait, « c'est parfait, tout ira bien. » Lui-même se regardait dans la glace avec une certaine complaisance, tout fier d'avoir si bien réussi et s'étudiant à imiter les gestes, le port de tête, la démarche du duc. Il fut interrompu par une sonnerie qui le fit sursauter. On répondait à l'appel du duc. Était-ce le coquin ? Malgré son empire sur lui-même, Marc Jourdan était fort ému. Le duc était allé à l'appareil. Par geste, il l'interrogea. Et le duc fit un signe affirmatif. C'est le bandit qui était au bout du fil, l'homme qui avait voulu le faire périr d'une mort atroce. Ah, s'il avait pu suivre le fil, être transporté par un miracle à l'endroit où le coquin se tenait. Mais il ne pouvait rien faire, il fallait attendre. Le duc quitta l'appareil. « Je verrai ma fille ce soir, à 11 h. »« Où ?»« Dans un hôtel particulier, boulevard Maillot. Numéro ?»« Numéro 87 bis. »« Bon, » dit Marc Jourdan, « quartier désert, je vais tout préparer. » Il quitta son personnage d'emprunt, mit soigneusement de côté tout ce qui lui avait servi et s'en alla pour organiser son expédition. Il devait revenir vers 10 heures pour s'habiller de nouveau et prendre le duc, qui ne voulait pas le quitter, qui voulait être de l'expédition comme il avait voulu être de la précédente, avec l'espoir qu'elle réussirait mieux cette fois et que sa fille lui serait rendue saine et sauve. Chapitre 14. La délivrance. 11 heures venaient de sonner. Le boulevard Maillot, aux alentours du numéro 87 bis, est silencieux et désert. Le vent souffle dans les arbres du bois qui forment des masses sombres de l'autre côté de la route. Un homme descend de voiture tout seul, mais des ombres sont déjà dissimulées aux environs, dans l'angle sombre des portes cochères et dans le fossé qui entoure le bois. L'homme qui vient de descendre de voiture est Marc Jordan. Marc Jordan, si merveilleusement grimé en duc de la Riviera, qu'il est impossible de le reconnaître. Il n'a qu'une crainte, c'est que le bandit n'ait été prévenu de sa délivrance et ne se tienne sur ses gardes. S'il le croit mort, il ne se méfiera pas et tout se passera bien. Dans tous les cas, le détective a pris toutes ses précautions. Il a dans ses poches des revolvers chargés chacun de 6 cartouches, 1 ou 2 cartouches de dynamite. Il a pris sous ses vêtements cette cotte de maille fabriquée par Ferréol et qui lui a plusieurs fois déjà sauvé la vie, puis un coup de poing américain dont il sait se servir merveilleusement, tout un attirail de fausses clés et d'instruments qui pourront lui être utiles au cas où il serait vaincu et fait prisonnier. Il se présente calme, l'âme tranquille, à l'entrée du repère où il va trouver ses plus implacables ennemis et sachant qu'un soupçon, un doute, peut le perdre. Mais Marc Jordan a l'âme solidement trempée et d'ailleurs, son désir de revanche est tel qu'il est disposé à tout braver. Il s'approche de la petite porte qu'il aperçoit dans le mur et qu'il a déjà vue, car il est venu pendant la journée, déguisé en mendiant, faire une reconnaissance et examiner les lieux. Il ne va pas à l'aveuglette. Il prend l'anneau de la sonnette et tire. Une sonnerie se fait entendre, bientôt suivie d'un bruit de pas sur le gravier d'une allée. Puis un étroit guichet s'ouvre dans la porte et une voix demande « Qui est là ?» « Le duc de la Riviera. » Le détective voit une lumière étincelée dans l'ouverture du guichet. L'homme a une lanterne et examine le visiteur. Puis un bruit de ferrure. La porte tourne sur ses gonds et s'ouvre, et Marc Jordan entre. Il a reconnu celui qui est venu lui ouvrir, c'est le comte. Une envie folle le prend de saisir le scélérat et de l'étrangler. Mais il pense à la fille du duc, qui pourrait payer de sa vie cet acte de violence. Et il veut prendre le gredin vivant pour qu'il paye sa dette à la justice. Il y va de son amour-propre de policier. Cependant, le bandit se dirige vers la maison, une maison qui apparaît à la lueur de la lanterne, très peu élevée, et que précède un perron de quelques marches surmonté d'une marquise. Il y a des arbres dans le jardin qui paraît inculte et envahi par les mauvaises herbes. Le comte marche lentement et ne paraît pas se défier. Il ne sait pas sans doute que Marc Jordan s'est échappé. Il monte le perron, ouvre la porte d'entrée et fait passer le prétendu duc devant lui. Puis il se dirige vers un petit salon et dans ce petit salon, une jeune fille est étendue. C'est la fille du duc de la Riviera. Le détective la reconnaît bien. En voyant entrer celui-ci, elle jette un cri. « Papa !» Elle se précipite vers Marc Jordan. Mais à ce moment, une sonnerie précipitée se fait entendre dehors. Le comte inquiet va voir ce que c'est, laissant seule la jeune fille et son prétendu père. Et celui-ci en profite pour dire vivement à Iba, à Carmen, « Je ne suis pas votre père. J'ai pris sa place pour vous sauver. » Il a à peine achevé que le comte revient en proie à un véritable affolement. On vient de lui apprendre sans doute quelques nouvelles importantes car il paraît complètement hors de lui. Il va droit au duc, ou plutôt à Marc Jordan, et lui dit « On vient de m'apprendre que Marc Jordan est dehors. Le misérable m'échappe encore. Ah, tremblez, duc, si vous vous êtes entendu avec lui, et si vous avez voulu me tendre un piège, vous ne sortirez plus vivant d'ici, et vous verrez mourir votre fils sous vos yeux. » Le bandit vient à peine d'achever ces mots, que Marc Jordan lui saute à la gorge. « C'est moi qui suis Marc Jordan, et tu veux me payer cher ce que tu m'as fait souffrir, gredin. » En même temps, il saisit les poignets du comte si violemment que celui-ci pousse un cri de douleur. Et quand il le tient, il dit avec un accent de triomphe « Ah, je t'ai donc !»« Pas encore !» crie le coquin, qui vient de se dégager par une prise de jiu-jitsu qui a failli briser le bras de Marc Jordan. Et il s'enfuit. Le détective tire par la fenêtre un coup de revolver qui devait servir de signal à ses hommes. Et presque instantanément, la maison est envahie, s'emplit d'allées et venues précipitées et les coups de revolver crépitent, mêlé d'exclamations et de cris de menaces. Le duc de la Riviera se montre le premier, arrive juste à temps pour recevoir sa fille dans ses bras. Il la prise sur son cœur d'un geste éperdu. « Toi, ma fille, toi !» Carmen, reconnaissant son père, crie « Papa, mon cher papa !» Puis elle s'évanouit. C'est trop d'émotion. Mais le père la retrouvait telle qu'elle était autrefois, les yeux illuminés par l'affection qu'elle lui porte. Il a un tressaillement de joie profonde et murmure, avec une expression d'extase, « Ma fille m'est rendue !»« Vous avez votre fille maintenant, » dit Marc Jordan. « Votre aventure est finie, la mienne commence. »« Mais comment, » dit le père, « ont-ils pu faire croire qu'elle était morte ?»« C'est ce qui me reste à apprendre, » dit le détective, « et bientôt j'aurai leur secret et ma vengeance. » Et il s'élance à la poursuite du comte de Cazalès. Ainsi s'achève l'enlèvement d'une vierge, une aventure de Marc Jordan par Jules de Gastine.